Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur Upset Radio, c'est Arthur Boulot comme tous les mercredis soirs et on est parti pour 2 heures de quartier libre tous ensemble pour la dernière de la saison de 18h à 20h. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'embarquement. Pour l'heure, veuillez vous munir de votre bonne humeur, votre folie et votre envie de passer une soirée sensationnelle, extraordinaire, vertigineuse, fantasmagorique, explosive. Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur Upset Radio, c'est Arthur Boulot comme tous les mercredis soirs et je suis en compagnie de mon équipe ce soir qui est presque au complet, qui ne devrait plus tarder à arriver. Bonsoir à tous pour la dernière de la saison, comment ça va tout le monde? Bonsoir Jérémy, comment vas-tu? Bonsoir Arthur, c'est la dernière. Vous allez me manquer pendant les vacances. Ah ouais, moi aussi pendant 2 mois là ça va être dur. Mais on reviendra encore plus fort l'année prochaine. Oui. Je vous l'annonce, je vous le dis. C'est sûr et certain, nous reviendrons l'année prochaine. Nous avons signé. Yes. Bonsoir Ismaël, comment vas-tu? Toujours mal. Pourquoi? Encore? Parce que à peine arrivé, c'est déjà fini pour cette saison. Ça m'attriste quoi. Ah ouais. Ah oui. Et ouais. Mais dommage, tu sais, comme dit Céline Dion, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. D'accord. Merci, Jérémy. Je voulais sortir une phrase d'une poète, c'est pour ça. Oui. Depuis quand Céline Dion est poète? Bah, tu sais, pour elle est pas mal quand même. Elle est québécoise. Oui. Enfin, ça fait pas d'elle une poète, hein. Tu sais. Allez, bonsoir Janison qui est là ce soir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis content parce que c'est la dernière. Ah bon? Ouais. Je suis pressé de vous quitter, moi. Ah bon? Bah, hein, c'était bien la première personne qui nous dit ça. Hein. Ouais. Oh, faut un peu positiver. C'est bon. Oui, c'est les vacances. Hein. C'est enfin les vacances, etc. Ça fait du bien d'ailleurs les vacances. J'ai plus voir vos sales gueules de là, quoi. Non mais oh. Tu te calmes, hein? Tu sais qu'on peut te frapper. Hein. Et vous allez plus voir ma sale gueule. Pourquoi? Tu ça, t'en vas? Ça, c'est une bonne. Non, mais pour l'été, quoi. Le mec kamikaze, tu sais, le mec se défonce tout seul. Le mec s'auto-vanne, tu sais, au c'est bout ça. D'un moment, il en a tellement marre. Excusez-moi, j'ai une question. Dis-moi. Oui, dis-nous. Je parle au nom de l'équipe, parce que là, je suis sur le site Webset Radio, tu vois. Et je vais tout en bas, je regarde la team Webset. Je vois bien Arthur Boulot, ouais, Fanny, Adrien Brachet, Simon Hamel, Franck Moila, Léo Chabanne. Mais où est-ce qu'on est, nous, là? Non, mais on est dans le... Disons qu'on est sur la photo avec Arthur, mais en bas. On est indispensable. On est hors champ, c'est pour ça. Voilà. Ouais, vous êtes en dehors de la photo, mais vous êtes dessus quand même. On est des petits... On est dans la galaxie Web cette radio. Voilà, c'est ça. Vous existez, À travers lui. Voilà, à travers dans moi. Dans les épisodes hors série. Je suis votre rayon de soleil, c'est moi qui vous fais exister. Enfin, tant que j'existe à travers Arthur, moi ça me va. Ouais, non. En fait, non, finalement. Sortez couvert, bien sûr. C'est ça, exactement, d'ailleurs. Évident, c'est l'été. Ah le fou. Ah là là, ah d'accord. Tom avait perdu. Ça me fait penser les mecs qui sont au bal masqué. On lui dit viens en Spider-Man, vas-y viens, on fait un truc de super-héros. Il arrive, c'est le seul gars. T'avais pas l'air con, surtout à l'entrée du lycée comme ça, en voyant tout. T'as croisé toutes les personnes qu'il y avait à l'entrée ou pas? Je crois pas que je suis arrivé dès l'entrée comme ça. Ah bon, bah moi je pensais, moi, tu sais, ça aurait été plus drôle. Hein. Il a pris le métro comme ça, les gars. Vu la chaleur qu'il fait, tu sais, ce serait presque passé inaperçu. C'est comme ça qu'il a gagné 5 euros, les gens ont cru. C'était un mendiant. Les mecs, ils ont mis 5 euros dans le calbut en passant. Tu sais. À la publicité, je me mets en caleçon. Ah, et bah, par solidarité, on se mettra tous comme ça à la pub. Voilà. Est-ce qu'Ismaël le fait aussi? Ismaël, tu le fais aussi ou pas? En caleçon, je te demande pas le haut. C'est la dernière, c'est ça. Oui, c'est la dernière. Je le ferais si c'était la dernière et qu'il n'y avait pas de saison SPL. L'année prochaine. Ouais, je suis d'accord. Janison, alors. Je sais que si moi je le fais, Janison le fera. Moi je le fais aussi. Bah, si tu quoi, Jérémy, fais-le, on va voir si je le fais. Qui moi? Bonjour tout le monde. Bonjour Tom. On est d'accord que ça n'a pas beaucoup de sens, sachant que c'est. C'est la radio, voilà. Mais il y a certaines personnes de l'équipe qui m'ont demandé des photos, je ne citerai pas de nom. C'est Yara. Il y a certaines personnes de l'équipe qui m'ont aussi demandé des lives Facebook. Bianca. Tu fais ça non. En dehors du chien. Ah, ça y est, tu on est en direct là. Non. Attention, si vous aimez les taxis, c'est sympa. Taxi. On verra ça plus tard. Je vais dire non, au sommaire, au sommaire de notre émission. Je me suis niqué un bouton. De ce. Je peux pas savoir. Au sommaire de notre émission de ce soir, notre blind test. Attends, parce que je vois plus à cause du soleil, parce que normalement j'ai un petit son sexy sympathique. J'imagine monsieur le directeur qui arrive. Non, mais moi je trouve qu'il fait bon. Oula, attends, ouais. Ça devient bizarre. Ouais. Très très bon. Jérémy se déshabille. Ah oui, d'accord, je prends un taxi, effectivement, oui. Ah oui, d'accord. Ah, on vous enverra des photos sur la page Facebook, vous inquiétez pas. Venez bien. Allez, pour la suite. J'enlève un petit bouton. En fait, t'enlèves 4, t'enlèves les 6 boutons en fait. Oh les petits joueurs. Non, faut pas déconner. Attends, déjà, je suis en caleçon là. C'est surtout qu'en plus de ça, Ismaël. On est mieux en caleçon qu'en Ismaël revient de la piscine, mais on ne dira pas tout. Hein. Ça doit être une horreur. Ah, c'était dur. Hein. Alors, au sommet de l'émission ce soir, notre blind test spécial musique d'été, musique de cet été, musique summer. Voilà, et on fait un bisou aux absents de ce soir, aux absents et absentes de ce soir. On embrasse Sarah, Sophia, on embrasse bien Bianca. Fort Sophia. Qui nous écoute depuis le Brésil. Évidemment, on embrasse mon cul. Tu l'embrasses tout seul. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, tu vas l'embrasser tout seul, j'allais dire. Et bien sûr, plaisir. On embrasse tous Mehdi, à qui on pense. Oui, c'est parce qu'il faut savoir qu'on a tous des conversations en off. On a des conversations en off sur notre conversation Facebook et il se passe des trucs. Enfin bon, on va pas tout vous raconter. Attends. Non plus, mais il se passe des choses. Voilà, assez drôle. Allez, au sommaire donc de ce soir, j'ai dit donc notre blind test, notre jeu de Jérémy. Hein, oui. J'espère que tout le monde vous met tous bien envoyé vos mots. Bonsoir Jérémy. J'espère que vous m'avez tous envoyé vos sons parce que sinon. Je t'ai envoyé ça. Oui. J'explique le jeu, c'est super simple. Explique le jeu rapide. Ouais, c'est le but. Comme on avait fait aussi une fois. Bon, là, chacun a choisi la chanson de cette année. Alors, j'ai mis un petit thème, genre chanson émouvante. Et bien sûr, il faudra déjà reconnaître la chanson. Mmh. Et bien sûr, reconnaître la personne qui a choisi cette chanson. C'est ça qui est aussi important. Et oui. Et ça, c'est marrant parce qu'après, on va découvrir un peu l'aspect secret des gens. Parce que après, il faut la personnalité de chacun. Exactement. Voilà. Déjà, peut-être que Janison a choisi la princesse de Monaco comme un ouragan. Tu vois. Pourquoi t'es en train de niquer mon son? Jérémy en caleçon, c'est déjà une partie de sa personnalité quand même. En taxi en plus. Oui, en taxi. Mais j'aime beaucoup les taximen. Oh, d'accord. Serait-ce ton coming out maintenant? Parce que ça fait. Excuse-moi de te dire, Jérémy, parce que moi, ça fait. T'as un doute, c'est ça. C'est ça. C'est surtout qu'en plus de ça, ça fait un petit moment qu'on se connaît, toi et moi, depuis le début de la saison. Donc si c'est que maintenant. C'est pas parce que tu m'as vu tout vu, tout nu, tu m'as vu tout vu, tout nu. Non. Non, non, hein, on verra ça plus tard. Si Yara nous écoute, un gros bisou à toi. Hein. Bien sûr, on l'embrasse fort. C'est ça, voilà. Bonjour exactement. Yara. Après, donc, le jeu de Jérémy, on aura donc nos petites chroniques, nos exactement. Différents jeux pour finir. Imagine une chronique d'une heure et demie, c'est possible. On verra. Non, mais ça va être court. Nos dernières chroniques de l'année, hein, puisque c'est la dernière et il faut en profiter. Et bien entendu, ce soir, j'ai changé. Vous m'avez dit. T'as maigri? Non. Oh, tu vas à gauche. Mais non. T'es devenu une femme. T'es devenu une femme. Tu sors avec un mec? Non. T'as plus de poils au cul. T'as le bac. Non plus. Non, ça c'est demain mes résultats. Ah. T'as bonne haleine? Non plus. Tous les jours. Tu as du talent. C'est gratuit alors que je pense pas du tout. Ah, je sais. C'est pour l'année prochaine? Non. Non. T'as changé. C'est pour aujourd'hui là. T'as changé quelque chose. Tu fais plus les t'as nouvelles. T'as plusieurs écrans. Oui. Ah oui. Ah, t'as réussi. Ça y est. Bon. J'ai découvert. Ah, là. Je ne fais pas les titres de l'actualité ce soir parce que c'est notre dernière. Bah moi j'aime bien. Tom est bien foutu. Non, et là demain tu publies l'émission. On se rend compte que à une heure près, si t'aurais fait l'actu, on aurait pu annoncer la première vie extraterrestre. Genre un truc mais incroyable. On l'a pas fait parce que c'était la dernière. Voilà, je l'ai pas fait parce que c'était la dernière. Ce soir pour notre blind test. Et j'oubliais bien entendu aussi à notre deuxième heure, on aura une invitée. Oui. Jessie Ryan qui sera là dans le studio. On sait pas ce qu'il en est, mais c'est vrai, elle a fait la nouvelle star. Oui, là cette année. Ah, cette année. Et comme les deux invités de l'année dernière. Une chanteuse qui essaye d'avoir un peu de sous-sous avec Kiss Kiss Bang Bang. Jessie Ryan. Et puis voilà, et puis elle va nous chanter une petite chanson avec sa guitare parce qu'elle vient avec sa guitare. Et bah très bien. Ah, carrément. Très bien. Ah, vas-y, je vais chanter avec elle. On préparera le studio pendant la pub. Je l'ai payé très cher, donc profitez. Tu l'as rencontrée. Et en plus de ça, elle est aussi. Je l'ai rencontrée chez quelqu'un d'assez connu. Dont je tairai le nom et je préfère Arthur. Non, si j'étais assez connu pour ça. Je vais vous dire comme ça, mais en chuchotant, je le dis. Tu nous liras en off. Jérémy Gressier. Mais c'est vous ça. Non, je déconne, non, sur internet. Oui, c'est comme ça qu'on. Non, c'est vrai, non, mais je l'ai écouté, je fais non, mais il faut l'inviter. Et puis elle a dit oui, gentiment. Et bah, c'est très sympa de sa part. Je lui fais un gros bisou et je lui dis merci. Et bah oui, on la recevra tout à l'heure d'ailleurs. On la recevra tout à l'heure. Alors donc pour notre premier blind test, enfin notre dernier blind test de l'année, hein, c'est marrant ça, mais c'est quand même notre dernier de l'année. Mais oui, hein. Fait toujours mal au cœur ou pas? Et oui, c'est non. Surtout que là c'est vraiment la dernière de la dernière. Donc c'est la fin de la deuxième saison, c'est ça? Ouais, la fin de la deuxième saison. Déjà. Et une troisième saison l'année prochaine avec plein de nouveautés, etc. Prometteuse. Alors je vous explique. La troisième saison, ça va être explosif. Hein. Je vous explique parce que là on a vécu vraiment deux saisons magnifiques. Pour l'instant, la troisième saison, ça va être un truc de ouf. Le format évolue, l'émission évolue. Ça va être un truc encore plus ou encore plus de ouf. Encore plus de ouf. Mais encore un mieux. Non mais en plus, ce qu'il dit est vrai. Toi, t'as piqué ma place. Parce que là, on va dans un studio big. Ah ouais, un vrai studio professionnel. Alors le problème, c'est que ça, on pourra pas dire les mêmes conneries, les gens. Il faudra censurer un tout petit peu. Bah un tout petit peu. On peut puisque ça passera toujours sur Upset Radio, donc on peut. Est-ce qu'on pourra toujours se balader en slip? Ah bah oui. Je suis désolé. Il y aura des mineurs, malheureusement. Là je peux le faire. Tu peux finir chez Luplic aussi, tu le sais ça. Hein, ok, voilà. J'y finirai de toute façon. Allez, ce soir on s'écoutera aussi Bassada, Get Down, Yellow Claw, Vita avec Peine et Pitié que vous entendez actuellement. Pitié, peine et pitié. Oui, on a un quota à respecter aussi, hein. C'est comme ça. Ça fait de la peine. Et avant, quelqu'un sait pourquoi il y a un deuxième A sur Vita? Non. Parce que ça fait Vita. Ah. Non, peut-être parce qu'elle arrêtait pas de chialer, donc forcément, à un moment... Voilà. Ce soir, mettez vos casques, vous entendrez peut-être le blind test, ça marchera mieux. Ah, oui. Le blind test de ce soir, c'est blind test spécial son de l'été. Et donc, en son de l'été, il y a pas mal de choses. Hein. Et puis, on voit la sauce. Alors, à ma gauche, je mets Jérémy. Oui. Parle pas trop de sauce parce que Tom est à moitié à poil. C'est ça. À gauche du jour, je mets Ismaël. C'est in. Comme une in. Ouais, c'est vrai, ça va faire ça qui va là. C'est Ismaël au fait. Ah, Ismaël. Ah, ouais, bah, c'est Ismaël. Ismaël. Comme une in. Ismaël. À ma droite, je mets Tom et Janison. Ouais. C'est le seul mec qui gueule quand on se montre. Comment vous appelez? T'imagines Oli, hein. Janison. Ouais. C'est la classe. Ah, bah, c'est déjà fini. Non, à la classe. Non. Ou plutôt, Janison. Ouais. Tout le monde lui est passé dessus, même le téléphone. Je viens de faire un constat. C'est pas mal une émission entre mecs quand même. Ah ouais, ça change. Ça nous libère. Tom, tu te rhabilleras pour l'inviter quand même. Oui, quand même. On est entre boxeurs. Ah bah oui, il est pas obligé. Je peux l'accueillir comme ça. Bah oui. Justement, je suis son petit cadeau. Allez, premier titre de la soirée, du blind test, de notre dernier blind test. Desperate. Non mais c'est moi. Bien joué, Jérémy. Non, le foiré. Putain, mais pourquoi t'es? J'enlève un bouton. Ça y est, je vais m'énerver. Moi, je vais commencer. Attention, ça. Moi, je vais commencer à m'énerver. Pourquoi? Parce que j'ai dit Despacito en premier. À chaque bonne réponse, j'enlèverai un bouton. Je crois que c'est vrai, c'est ça. Je crois qu'il a dit un point. J'ai dit Despacito en premier, en fait. Oui, mais c'était le. Oui, non, mais donne-lui le point. Il est tout nu, alors donne-lui. D'accord, si tu veux. Despacito. Tu te mets pas à poil si jamais tu gagnes, hein. Surtout pas. Tu es vraiment cuir, tu vois. Non, justement, c'est bien le souci. Hein? C'est un chanteur. C'est Luis Fonsi. Porto Rico. Porto Rico. Portugais. Titre suivant, un des titres de l'été aussi, selon un classement sur internet d'un grand site célèbre que je ne citerai pas. C'est le Parisien, le Figaro. Katy Perry. Katy Perry. C'est qui ça? Nicki Minaj. Non. Princesse. Princesse quoi, toi? Jennifer Lopez. Mais non, je sais pas. Drake. Non. Rihanna. Mais non. Criez pas, les gens, criez pas. Non, c'est Ina. Non. C'est pas la fille dans les spots de plage là? Miley Cyrus. Jax Jones. En tout cas, moi ce que je sais, c'est que pendant la canicule, j'ai dormi une après-midi, je me suis réveillé avec cette musique qui me cassait la tête. Voilà, c'était une anecdote inutile. Ok, bah personne n'a trouvé. Celui d'après, celui-là, vous devriez le trouver. C'est aussi une des chansons de l'été, a priori. Coldplay. Oui. Et avec The Chainsmokers. C'est que des chansons de cette année ou ça peut être non, cette année. Cette année. Okay. Pour cet été-là, hein, pas l'été d'il y a 15 ans. Pour moi, c'est mort alors. C'est quoi? Ouais, je suis pas du tout. T'étais où cette année en fait? Non, mais je suis pas du tout. Pour moi, tu me dis musique d'été, c'est. C'est. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Voilà. Moi je mets pas. Ouais d'accord, ok. Tu reprends vraiment les vieux tubes en fait. Toi t'es vraiment. Ouais d'accord. Je suis vieux. Titre suivant, toujours selon ce classement des meilleurs titres de l'été. Maître Gims. Oui. Bella. Bella. Non, c'est pas Bella, Jalison. C'est loin. Et ça, l'année prochaine, le blind test évoluera sous un autre format, vous allez voir. Et j'ai un petit jeu surtout à vous proposer avant que l'invité arrive, ça vous rafraîchira en plus de ça, vu la chaleur qu'il fait. Quel Jack, excuse-moi. L'autre, il est encore perdu. Ça, encore, c'était la saison précédente, Jalison. Merde. Tu oublies certaines choses. Alors, celui-là, vous me l'avez dit tout à l'heure. Sia. Oui. Arthur, il est grave vénère quand c'est moi qui gagne. Mais c'est réponses. Ça, parce que c'est tout le temps toi qui gagne maintenant. Il y a plus de jeu, quoi. C'est plus drôle. Ah, excusez-moi, j'ai deux bonnes réponses quand même. Non, t'en as qu'une. Ah bon, parce que le premier point, tu l'as donné à Tom. Non, il l'a pas donné, il l'a rendu. Vrai. Non, c'est vrai. Il l'a volé, il l'a rendu après. D'accord, ok. Titre suivant. Alors là, celui-là, c'est dommage qu'il n'y ait pas de fille ce soir parce que sinon, j'aurais tout gueulé. Ok. Katy Perry. Non. Kesha. Ah ouais, toi, ouais, ça aurait pu être Kesha. Ah, ça, je connais pas. C'est un groupe qui cartonne en ce moment. Enfin, qui cartonne. C'est un groupe de filles. Ouais. Je connais pas. Ah, Fifth Harmony. Non, t'es pas loin. One Direction. Non. Le groupe de filles One Direction. Alors, il est complètement dans la ramasse. Mais je connais pas, les gens. Little Mix. Ah, je connais pas. Là, je connais pas du tout. Tant pis. Elles sont mignonnes. Ouais, très sympa. Majeur, hein, si ça intéresse Yannis. Yeah. Non, mais lui il en perd pas une miette, lui. Surtout qu'il est en chaleur. Et lui, la conversation Facebook, c'est mythique. C'est mythique. C'est ça. C'est ça. Titre suivant. Oh. David Guetta. Mais non, Martin Solveig. Oui. Martin Solveig, j'ai dit avant. C'est qui a dit Martin Solveig? Moi. Est-ce qu'on m'entend? Non, il faut mettre ton micro devant ta bouche. Est-ce qu'on m'entend là? Bah oui, on t'entend. Oh. C'est génial. Appel de la radio. On dirait un extraterrestre qui découvre la Terre. Oh, d'accord, regarde comme ça. IT maison. Micro, marche. Alors, titre suivant, c'est un des titres que nous avait présenté Sophia dans sa chronique. Kenji Girac. Non. D'accord. Petit biscuit. Chute. Claude François. Petit biscuit. J'allais le dire en plus. Mais j'étais en train de chercher le nom, je dis putain, c'est quoi déjà? Est-ce que le point compte? Parce que je pense qu'il a triché, j'ai vu qu'il a regardé la feuille tout à l'heure, mais bon, je dis ça, je dis rien. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Comme par exemple, il connaît la musique avant. Mais non, mais j'aurais trouvé. Parce que Sophia, c'était notre coup de cœur de la saison, voilà. Cette musique. J'aurais trouvé Little Mix. Tu sais qu'en plus de ça, je fais exprès, parce que je suis parti du studio tout à l'heure 5 minutes en laissant mes feuilles, etc. Ouais. Et je fais exprès après de remettre les sons dans le désordre, pour pas qu'au cas où il ait regardé la feuille parce qu'ils sont dans l'ordre, au cas où, tu vois, il se trompe. Pour pas que le truc d'avant, il m'aurait dit petit biscuit, tu vois. Okay. Il te tient au cœur, le blind test, pour faire tous ces efforts. T'as vu tout ce que je suis obligé de mettre en place, c'est très la fraude. C'est encore pire que ce que je pensais. Titre suivant, c'est aussi un titre que nous avait présenté Sophia. Oh. Merde, je connais. Kungs. Oui. Kungs. Le jeu d'après, vous allez voir, il va être encore mieux. Ah ouais, c'est ça, c'est IA. IA. Est-ce que vous aimez les titres français de chanteurs français? Oui. Ouais. Ah, j'adore. La variété française. Vous allez en avoir. En veux-tu, en voilà. Pour l'instant, on est à 4 points pour Tom et 3 points pour Jérémy. Pour l'instant, Ismaël et Jalison. Est-ce que moi, ça change vraiment d'habitude? Non, j'ai envie de dire non. Jules. Là, c'est dit. Bakem. Oui. Et Shakira. Oui. Quoi? Ils ont fait une chanson tous les deux? Ah oui, non, c'est une blague. Non, tu regarderas le clip, tu comprends qu'en fait qu'elle était en Espagne et lui en France. Mais oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ils se sont jamais vus. Ils se sont jamais vus. Ouais. Oh, c'est dommage. C'est vrai. Bah, il serait monté dans mon estime du coup, quand même. Black M? Ouais. Bah, c'est tout comme là du coup. Hey, mais pour que Shakira fasse un duo avec Black M, il se passe quelque chose quand même. Il y a un petit souci, Shakira elle est descendue. Mais c'est comme la dernière fois, on avait parlé de Shakira. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était pour la Coupe du Monde de foot. Ouais. Chaque fois, elle est là tout le temps pour la Coupe du Monde. C'est vrai. Non, quoique, parce que pour la dernière Coupe du Monde, il me semble que c'était David Guetta qui l'avait fait, non? Ouais, avec une fille. Ah, c'est pour ça que je m'en souviens pas. C'est David Guetta qui l'avait fait. Attends, si mes souvenirs sont bons. Oui, il avait fait avec Ellie Goulding ou je sais pas quoi là. C'est une autre blonde. C'est bon, je l'ai. C'est celle-là. C'est. Be Forever. Avec Zara Larsson. Ah, voilà, Zara Larsson. David Guetta et Zara Larsson. This one's for you. Je veux pas dire, mais Zara Larsson, là, ça fait nom de fille dans un film. Non, mais c'est vrai que quand t'entends Zara Larsson, tu dis, bon, soit c'est un film de blockbuster ou soit c'est un. Tu vois. Ouais. Ça fait pas chanteuse en fait. La fille de Nicky Larson. Ah, bien joué. Zara Larsson, ça fait. Zara Larsson, il y a pire. Hein. C'est vrai que. C'est pas un nom super extraordinaire. C'est vrai que d'habitude, là, on parlait de Shakira. C'est vrai que d'habitude, c'est tout le temps Shakira qui faisait les musiques de Coupe du Monde, mais là, ça a changé. C'est vrai. David Guetta et Zara Larsson. C'est vrai. Ah là là, heureusement qu'on a tout en stock ici. Pourquoi ça rigole en off là? Ça y est, ils coupent leur micro, ils sont plus. Non, rien, on peut pas le dire. Titre. Non, on peut pas. Titre suivant, celui-là vous devriez trouver. The Weeknd. David Guetta, David Guetta. Attends, et la chanson c'est. I feel it coming. Voilà, c'est ça. J'ai dit d'un peu. Ça c'est ma chanson. Elle est sympa, c'est la jamais. Le clip est sympa aussi. Chill un dimanche matin avec un brunch sur ton balcon. Avec une petite brise d'air chaude. Miami. Ouais, Ibiza. Coucher de soleil. Miami or Ibiza. En plus, il s'est coupé cette espèce de chose qui sert de cheveux. Ouais. C'est bien. Oui, parce que tout à l'heure, il avait un délire en off avec ses cheveux. Ah oui, wow, on n'est pas aujourd'hui. C'était quoi? Oui, bon, on dira pas tout. Un fantasme seulement. Titre suivant, 5 points pour Tom et 4 points pour Jérémy. Yeah. Quebla. Bazardé. L'artiste. Que Black. Non. Il est bon. Ouais, t'as vu, il est pas mal. Moi, j'ai juste avant d'essayer d'avoir un point. Celui d'après, vous allez le trouver, ça c'est sûr. Tout le monde, vous allez le trouver. C'est Kinvé. Non, c'est pas Kinvé, celui d'après, mais vous allez quand même le trouver, celui d'après. Ça c'est sûr et certain. Amir. Oui. C'était qui? Je connais même pas. Oublie-moi. Non, au cœur de moi. C'est le titre de son album. Au cœur de moi. Un album exceptionnel. Amir, avec qui j'étais en contact, qu'on aurait pu recevoir pendant l'émission. Mais le souci, c'est qu'il avait entre temps l'Eurovision, machin, The Voice, mon cul, d'autres interviews. Enfin, bref. Ah, le pauvre, comme si que nous n'avions pas ça. C'est-à-dire que tu avais en contact Amir, l'un de mes chanteurs favoris du moment. C'est vrai? Mais tu le dis pas à ton ami. C'est ton chanteur favori en ce moment? Du moment. Ah ouais? Tom, le but, c'est qu'on fait de la radio, donc il faut parler dans le micro. Pas à 15 mètres, parce que sinon on nous entend plus et c'est plus drôle. Si moi j'entends. Mais toi t'as un problème, toi. C'est pas beau. J'aime bien cette nouvelle musique. On aurait presque pu faire un karaoké là-dessus. Mais je trouve que ça fait pas très chanson d'été quand même. Non, du tout. Ah non, mais la chanson d'été. Sa chanson d'été, c'est on dirait. Oui, mais la chanson d'été. La chanson d'été. Mais non, c'est celle-ci, sa chanson. C'est Despacito. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la chanson. D'après Parisien. Despacito, canamagana, canamagana, peligro. Bon chanteur. Titre suivant, il en reste plus beaucoup. Hein. Il en reste plus beaucoup, donc pour l'instant, Ismaël et Jenison sont à zéro. Hein. C'est un match entre Jérémy et Tom. Shakira, l'artiste. Chocolat. Eh, mais toi, tu fais le mec qui aime pas les chansons commerciales, mais en fait, t'es grave calé. Enfoiré, va. Chocolat. Ah, chocolat. C'est pour toi. Cette gourmand m'a tué, assassiné. Et pour l'instant, je tiens à dire que Jérémy et Tom sont à égalité, c'est pas mal. Il en reste 3 ou 4, pas plus. Si je perds, je me mets tout nu. Je veux pas savoir. Donc là, je suis obligé de gagner. Titre suivant. Kinvé. Non. C'est qui? Jules? Non. Kenji? Non. Son prénom c'est David. Ah, David Carrera. David Carrera. Oui. Je l'aime bien ce mec. Mais Jérémy, je suis choqué de toi là par contre. Mais je pensais pas du tout que t'avais cette culture musicale. Non, mais... Attends. J'ai écouté son album, son premier album. Il est très bien. Tu ressembles à David Carrera. Putain, mais je suis choqué. Non, mais j'ai aussi une face cachée. Ah, comme dans Transformers. La face cachée de la lune, bah moi c'est. Ah bah oui, vu ton slip, ouais. Ouais, on va bien te l'avoir. J'ai pas exagéré. exactement la même. Voilà, bah, je conduis des taxis le soir, donc j'entends la musique. Joe le taxi. Moi j'avais plus pensé à celle-là. Tu l'as acheté à Babou ton slip? C'est vrai? Vraiment? Un déstockage massif, moins 80%. Parce que vu les motifs, ça envoie sac à Babou ou à Tati, tu vois. Oh non, je suis choqué. Oh merde. Allez, Babou. Avant-dernier titre. David Guetta. Non, allez, je vous le remets depuis le début. Calvin Harris. Avicii. Avicii. Animals. Non. C'est un DJ de Red Charles. Kungs. Ouais, un peu, ouais. Ah, un des points. Et c'est pas ça. Daft Punk. Et c'est un DJ. Non, non, c'est un DJ qui a été coproduit avec David Guetta. Omi. Non. Ahmed. Non. Cheerleader. Non, c'est pas Khaled. Non, c'est pas Khaled. DJ Snake. Non. C'est un français. Non. Céline Dion. C'est un américain. La nouvelle DJ. C'est un américain. Deoro. Zoro. Deoro. Non, on connaît pas. Non, on connaissait pas, bon tant pis. Pas ouf comme nom. Deoro. Alors celui-là, dernier titre, c'est un titre qui a été repris des années 90, me semble-t-il. Pourquoi ? Magic System. Non. Si vous me donnez aussi le titre des années 90, ça marche. Hein. Parce que ça, c'est un vieux titre des années 90 qui a été repris. I'm Blue ? Non. Mais I'm Blue est sympa aussi. Ah, je connais cette reprise, mais je sais pas qui c'est. Moi aussi, je sais. Non, je sais pas. Je vois même pas du tout. C'est un DJ aussi, lui ? Ça, beaucoup de musiques ont été reprises là-dessus. Avicii, David Guetta. Non. Si je vous mets, attendez, celle-là. Non, mais on connaît pas. Hein. On connaît la chanson, mais on connaît pas. Ah non, je vois, on connaît même pas la chanson de base. Si, c'est nanana. Mais c'est connu. C'est super connu. Alors, attendez, ça va être vachement. Non, mais c'est super connu en plus de ça. Alors attendez, j'essaie de vous retrouver la chanson de base que je ne retrouve plus. C'est dommage, mais c'était en fait Sound of Legend qui avait repris une chanson des années 90. Ouais, on n'aurait pas trouvé. Vous n'aurez pas trouvé, mais c'est pas grave. Au final, c'est moi qui ai gagné, non? Ouais, c'est Jérémy qui a gagné. Ça c'est Vita, peine et pitié, c'est ce qu'on écoute tout de suite en direct sur Offset Radio. Et c'est Jérémy le grand vainqueur. Allez, vas-y, fais-nous plaisir. Tu pourrais y rester si tu parles trop. Faut pas lâcher des mots. J'ai pas assumé. Quand j'y vais solo. Fallait pas commencer. J'ai pas le cœur, tant pousse-toi de mon chemin. Faut bien avancer. Paraît que t'es pas bien. Ça fait de la peine. Pitié, pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié. Ça fait de la peine. Pitié, pitié. Pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié. Pitié. Peine et pitié. J'avoue, j'ai de la peine. Ou de la pitié. Finalement, si c'est la même. J'ai plus trop, plus trop. Et il faut qu'on se rappelle, on va se rappeler. Ils resteront sûrement les mêmes. Mon numéro est ton numéro. Ah, tu fais la belle, tu t'aimes plus qu'on t'aime. T'as du mal à l'admettre. Joyeuse fête et bonne année au pluriel. Pour l'an prochain et les années prochaines. Pitié, pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié. Ça fait de la paix. Pitié, pitié. Pitié, pitié, pitié, peine et pitié. Tu disais que c'était la famille. Quand tu criais famine. Depuis qu'il m'arrive ce qui m'arrive. T'as des nouveaux amis. Mais j'ai pas besoin que tu culpabilises, moi. Je préfère être ignorée. Y'a pas que ton nombril dans la vie. Toi, t'as ni peine, ni pitié. Ni pitié. T'as ni peine, ni pitié. Ni pitié, ni pitié. Toi. Ça fait de la peine. Pitié, pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié. Ça fait de la peine. Pitié, pitié. Pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié. Pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié. Peine et pitié. Ça fait de la pitié. Pitié. peine et pitié, c'était sur Web7 Radio. On est bien dans Quartier Libre et nous sommes bien la dernière émission de l'année, la dernière émission de la saison avant l'année prochaine. L'année prochaine, saison 3, fin ça de la saison. Ça va quelque chose l'année prochaine. Ah, l'année prochaine, ça va être quelque chose de ouf aussi, je vous préviens. On peut faire des grosses délocalisations dans des gros festivals l'année prochaine. Ah, c'est cool. Ça, c'est une exclu. Genre le Hellfest ou. C'est une exclu que je vous donne. On peut faire des grosses délocalisations à partir de la semaine prochaine. À partir de l'année prochaine. De foot ou je sais où, alors qu'on en a rien à secouer, mais on y va quand même. Voilà. Non, mais t'imagines pas, c'est énorme. Match, genre, tu vas à la finale de la Coupe de la Ligue, t'en as rien à secouer, mais tu vas juste pour picoler. C'est ça, exactement. Pour profiter du match. Ah, bah, tu t'es mis au slip aussi, Arthur. Yeah, je te le vois. Mais le pire, c'est que c'est un slip c'est pour 12 ans. C'est à toi, c'est à toi. C'est quoi la marque, dis-moi ça. À toi, t'as lancé à lui. Pas moi. Je crois que c'est qui a mis un truc dans le genre. Non, mais vous êtes vraiment des pauvres. Hein. Ça, voir, c'est moi, le... c'est ça, c'est le casson. Non, mais ça, c'est le casson. Il y a des trous après dans l'année prochaine. Quoi. Non, mais bah, attends, j'ai grave le seum. J'ai acheté un caleçon Athéna. Enfin, plusieurs. Ouais. C'est pas mal. Il y en a un qui est troué. Ah, c'est chiant ça. Je suis vénère. Tu payes ça. Tu sais que les gens, souvent, les gens déchirent le paquet pour qu'ils aient un petit peu la qualité. Et puis après, en fait, ils font pas gaffe. Et puis ils déchirent le. Ça arrive, hein. J'aime bien la conversation quand même. Est-ce qu'on ferait pas un défi pour la rentrée de l'année prochaine? Première émission en slip, mais tous en slip, le slip de France. Le slip français. Le slip français. Alors, vu le prix du slip français, je l'ai suivi sur Instagram. Parce que 30 euros le slip français, merci. Mais ça doit être un confort divin. Non, je l'ai suivi sur Instagram. Quelqu'un aime le slip? Non, moi non plus. Non, ça m'a traumatisé quand j'étais gamin. Ça fait des années que j'en ai pas porté, mais j'ai toujours les boules qui partent à gauche ou à droite. Merci pour les détails. Voilà, c'est la vérité. Surtout que moi, dans le slip, j'ai rien qui rentre dedans en fait. Oh, excuse-moi. Non, mais. Genre. Salut. Genre. Ah là, qu'est-ce qu'on peut être prétentieux. C'est bien d'avoir bon matos. Ouais, voilà, c'est ça. Comme disait le mécanicien du côté. Le but, c'est de savoir s'en servir. Allez, ce soir. Ouh. Je ne vise personne. Hein. C'est fou, hein. Y a pas de femme, et là, on est totalement. Ouais, je sais, mais je sais que ça va parler que de cul pendant toute l'émission. Heureusement qu'elle arrive dans une demi-heure. Ouais, c'est quoi elle est radio là. Ah, bah non, merde. C'est chelou qu'elle est tout sous l'eau, c'était quoi. Con là, il est en train de niquer, il est en train de faire rien d'autre. Non, mais elle va faire, c'était un piège en fait. C'était un piège. C'était un piège. C'est une vraie émission. C'est une vraie émission, c'est juste un rendez-vous quoi. Moi, je tiens à dire la vérité. Quand elle va voir Tom, elle va faire hey. Quand elle va voir Arthur, elle va faire oh. Attention, reculez un petit peu, monsieur. Ouais, je te jure. Ça va se passer comme ça. Alors, notre est-ce dernier. Que je peux dire un truc, mais là je suis très sérieux, je suis au premier degré. Mais je suis content d'être dans cette émission parce qu'il y a toutes les origines. Ah, parce que je vois toutes nos couleurs de peau à moitié nue. Et je me dis, mais c'est génial parce qu'on va du plus clair au plus foncé. Tout le spectre est représenté. C'est un dégradé de couleurs. Et ça me fait plaisir. On est un tie and die à nous tout seuls. Non. Mais c'est beau ce que tu dis, c'est un peu Benetton la radio. C'est surtout un peu dégradé. Allez, ce soir, donc notre dernier juste chiffre de l'année, quel est-il selon vous? Est-ce que c'est un petit chiffre? Non, c'est un gros chiffre. Ah, 50. Non, non, c'est plus. 50 000. 100 000. Hein, 100 000, c'est plus. Jérémy. 200 000. C'est plus. 214 000. C'est plus. Ismaël, vas-y. Ismaël, vas-y. 1 milliard. C'est moins. 900 000. Non, c'est moins. 700 000. C'est moins. 400 000. Oh, oh, dans l'ordre, les gars, oh. C'est pas parce qu'il y a pas de femmes ici ce soir. Il a dit 400 000. C'est moins. Donc 350 000. C'est moins. 300 000. C'est moins. Bah on y était presque alors. 200 000. C'est plus. Bah 270 000. C'est moins. 220 000. C'est plus. 250 000. C'est moins. 230 000. C'est plus. 240 000. C'est moins. 238. C'est moins. 235. C'est moins. 232. C'est plus. 234. C'est gagné. Oui. 234 000. Est-ce que c'est 234 000 euros? Non. Est-ce que c'est 234 000 personnes? Est-ce que c'est 234 000 slips offerts à Tom? C'est 234 000 objets. Qu'est-ce que c'est? Oula. Non, pardon. Non, excusez-moi. C'est 234 000 euros. Ah oui, d'accord. C'est le prix d'une seule chose? Non. C'est le prix... C'est un chiffre d'affaires? Non. C'est 234 000 objets qui coûtent 1 euro. Non. Mais non, c'est en euros. C'est le coût d'un produit qui vaut 230 000 euros. C'est le prix qu'on s'est fait payer pour te supporter en caleçon. Non, parce que je les ai pas, tu vois. Je c'est le prix que t'es prêt à nous payer pour qu'on te supporte en caleçon. J'ai trouvé, c'est le gagnant c'est quelqu'un qui a gagné cette somme. Non. Ah bah, donc c'est quelqu'un qui a perdu cette somme. J'aime bien, il annonce. Ouais. J'ai trouvé, les gars. J'ai trouvé. Voilà, il a gagné. Ah non, c'est pas ça. Donc c'est 230. Alors 234 000 euros, ok, sur un compte. C'est un gars, il a gâché de l'argent. Il a acheté un truc. Oui, très clairement. Il a fait un gâchis. Clairement. Perdu. Ah oui, si, je l'ai, je l'ai. C'est un gars, il a rénové un yacht. Il a passé plusieurs années et à partir du moment où elle a touché l'eau, ça a coulé. Oh, non, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui a perdu cette somme? Ouais. Bah, il a, il a dépensé. Il a dépensé. Ah oui, il a dépensé, très clairement. Il a dépensé dans quelque chose. Au final, il s'est rien passé. Voilà. Il a investi en pensant gagner de l'argent et en fait, il a tout perdu. Non, non, non. Est-ce qu'il a investi dans une maison? Non. Et les gars qui devaient faire la rénovation se sont barrés. Non, c'est pas sur un véhicule, c'est sur un objet en particulier. Est-ce que c'est pour un service et s'est fait arnaquer? Non, c'est pour c'est non, non, c'est pour un objet en particulier. Un objet, un objet. Donc il a payé quelque chose, 234 000 euros. Aux enchères, aux enchères. Et au final, c'est pas ce qu'il a voulu. Bah non. C'est pas ça. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est un objet. Si je vous dis, c'est une collection. Ah, d'accord. Et il en possède 5000 exemplaires. Et sa valeur totale est donc de 234 000 euros. Qu'est-ce que c'est selon vous? Est-ce que c'est une collection un peu bizarre? Oui. Est-ce que c'est une collection de préservatifs qui sont... préservatifs de star. Pas usé, hein, pas usé, hein, mais de plusieurs marques. Des cheveux. Non. Une collection de tire-bouchons. Non. De poupées. Ouais. Oh. Mais de quoi? Poupée Barbie. Non. Poupée en porcelaine. Non. Vaudou. Non. Poupée de star. Poupée en porcelaine. Non. Des poupées. C'est des poupées bien particulières. Ah, des poupées sex dolls. Des quoi, des quoi? Non, attends. Des poupées gonflables. Ouais, c'est attends, ça. C'est... Attends, des poupées sex quoi? C'est des poupées à taille humaine que les Japonais aiment beaucoup. Voilà. Oui. Non. Surtout les vieux d'ailleurs. Surtout les vieux d'ailleurs. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est un Japonais. Hein. C'est un Japonais. Ah, voilà. Ouais, comme quoi je me rapproche. C'est pas un Japonais qui recrée des personnes en poupées, non? Non, non, mais c'est encore plus glauque que ça l'histoire. Non, c'est des bébés qui sont presque. Enfin, qui sont comme vrais. Comme non. Je sais plus. Est-ce que c'est des poupées? Oui. Qui font peur? Non. Poupées en hommage à des morts? Non, non, non, mais c'est super glauque comme histoire. Bon, un indice. C'est des poupées toutes nues? Non. Mais il y en a certaines. Il y en a certaines. Un indice. Mais les poupées représentent des gens qui ont vécu. Blanc et rose. Blanc et rose. Blanc et rose. Des poneys? Non. C'est rose et poney. Des licornes? Oh, blanc et rose. Est-ce que ce serpent? Charlotte Fraise. Ah, t'es pas loin. Hello Kitty. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, Hello Kitty? Masao Gunji, un policier japonais retraité de 67 ans, le propriétaire de la plus grande collection de Hello Kitty du monde. Il possède plus de 5000 exemplaires du petit personnage blanc et rose, une valeur totale de 234 euros, dont certaines 234 000 euros, dont certaines sont quelque peu exhibitionnistes. Non. Hello Kitty. Ouais. Oh putain, le mec est. Ah ouais. On peut voir ça où? J'ai une question, intéressante et je me suis toujours posé cette question. Mais d'où vient Hello Kitty? J'aime bien, Janison est en train de galérer. Hein. Il essaie de remettre son micro qui s'est barré. Il n'avait qu'à pas le casser. D'où vient Hello Kitty? Bah, bonne question. Vient, du Japon. Du Japon. Non, mais le personnage, qui a inventé ce truc? C'est un chat en fait, non? Non, c'est un chat. C'est un chat? Qu'est-ce que Hello Kitty déjà? Ouais, c'est vrai. C'est un chat. C'est le chat qui te dit bon. L'épisode des Simpsons au Japon, il y a Hello Kitty dedans. Je vous conseille. Vous aviez raison, c'est bien un personnage japonais. C'est un personnage fictif créé par une société japonaise qui s'appelle Sanrio. Et cette société japonaise a créé d'autres personnages aussi, hein, vous rassure. Mais ils se font des thunes, tous mais ces cons là qui créent. Comme. Alors attends, j'en ai d'autres. Ils ouvrent des parcs d'attractions sur le thème de Hello Kitty. À Madrid, ils en ont ouvert un. Ah ouais? Ils sont des flics. Ils ont. Genre ils ont... le roller coaster. C'est Hello Kitty, le roller coaster Hello Kitty qui doit pas faire peur. Ouais, bon, c'est, on dit, ils disent parcs d'attractions et tout. C'est pas vraiment des parcs d'attractions quoi. C'est des trucs genre qui se baladent quoi. Des expos quand même. Au Japon, tu trouves plein de trucs où il y a écrit parcs d'attractions. Tu fais juste de te balader, c'est tout. Ouais, c'est un peu des pubs. C'est juste genre... c'est des panneaux pancartes et c'est tout quoi. C'est un appart dans un immeuble avec des pancartes. Mais je te jure, c'est des trucs tout pourris comme ça. Ouais, voilà, c'est ça en plus. C'est des expos en fait, tout simplement. Ouais, voilà, c'est le mot. Et il y a aussi un autre. C'est la dernière fois qu'on l'a aussi cette saison. Hein. La citation. C'est la citation. Gandhi. John Lennon. Forcément. Kenji Girac. Non mais attends, deux minutes, je ne l'ai même pas encore dit. Calme-toi, ouais, Johnson. C'est encore la dernière de la saison ce soir. Oh là là, c'est la dernière émission. Oh, c'est le père Frost. Ça c'est. D'ailleurs, si vous voulez savoir, Fort Boyard a recommencé la semaine dernière. Oui. Non. Il y a toujours Olivier Mine. Ouais. Ah, c'est la meilleure nouvelle du monde. Pourquoi? Parce que c'est la seule raison pour laquelle je regarde. Tu regardes l'émission pourquoi? Mais tu sais que Olivier Mine a fait son coming out il y a pas longtemps. C'est pas vrai? Si. Ah merde, je savais pas. Alors il avait annoncé qu'il était bi et puis en fait il est gay. Ah, je savais pas. Et oui. Eh ben. Bah, comme Frédéric Lopez. Oui, aussi. Oui, c'est vrai, je vais apprécier. C'est quand même Jean-Luc Lahaye aussi, mais il est en tournée. Laurent Ruquier. C'est très France Télévisions. Jean-Luc Lahaye, il est en taule. Jean-Luc Lahaye, il est en taule, oui. Et c'est quand même. Bah, il aime bien les petites filles. C'est ça. Non, attends, est-ce qu'on l'a mis en taule? Comment il s'appelle l'autre là? Morandini. Non. Romain Polanski. Oui, on l'a mis en taule. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est encore une autre histoire. Mais Lahaye est en taule. Non, mais quand même, c'est les plus beaux. Ah, il est en prison, Jean-Luc Lahaye. Non, mais. Alors, je ne vais pas la citer. J'espère qu'elle ne saura jamais que je suis dans cette radio. Parce qu'elle pourrait se reconnaître. Mais sur plusieurs tournages auxquels j'ai participé, je me suis fait pote avec d'autres figurants. Coquins. Des figurantes, je veux dire. Oui, figurantes, qui sont actrices. Et j'en connais une qui est devenue actrice, qui joue dans quelques trucs. Mm-hmm. Et en fait, quand j'ai rajouté un ami sur Facebook, elle est très sympa et tout, hein, super cool et tout. Ouais. Elle est fan de Jean-Luc. J'ai découvert que cette famille, elle est fan à mourir de Jean-Luc. Et je trouve ça glauque à mort. Mais vraiment, elle s'appelle comment? Hyper glauque. Oh, le truc glauque. Et toute la famille. Un nom qui commence par un G. Jérémy Gressier. Merde, non, non, non, non, non. Il le regarde perdu. Femme. Femme. Ouais, je te dis ces mots. Non, mais en fait, je trouve ça glauque parce qu'en fait, sur son profil Facebook, elle a pris des selfies de lui. Je crois qu'au moins, elle s'est prise en photo avec lui 3 fois par mois pendant 2 ans. Oh, je sais pas comment elle fait, c'est incroyable. Oh, c'est glauque. Mais c'est ton ami. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais oui. Mais t'imagines, tu lui fais l'amour, elle te fait papa, chanteur. Horrible. Papa, arrête, s'il te plaît. Non, horrible. L'horreur. La citation de ce soir. Vas-y. Les larmes sont un don, souvent les pleurs après l'erreur ou l'abandon ranimant nos forces brisées. Oula, là, là, est-ce qu'il est vivant? Non, il est mort. C'est un homme? Oui. Est-ce qu'il est déjanté? Est-ce qu'il est mort récemment ou pas? Non. C'est un poète? C'est un poète. Bah, que veux-tu faire? C'est un poète. Ismail. Non. C'est un auteur? C'est un auteur. De pièces de théâtre? Oui. Jean-Paul Sartre? Non, pas de pièces de théâtre. Ah, de roman? Non, c'est un dramaturge. Les gars, sortez-vous les doigts, hein, franchement. Vous pouvez l'avoir. Hein. Victor Hugo. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, c'est oh putain. Ah bah c'est la référence au doigt. Ouais, ouais, de ouf. Merci. Eh hey, les gars, je gagne le chiffre, le truc. Et putain, je suis bon ce soir. J'ai gagné bonne test quand même. Eh hey, ce soir. Oui, ça. Ouais. Il est très fort notre C'est la fin du slip. C'est la fin du slip, Jim. Mais attends, c'est tu sais dernière, que... hein. Et Arthur, est-ce que t'as remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des citations, je donne toujours Victor Hugo? Oui, c'est pas bon, ça finit par payer à un moment donné. C'est ça, il nous fait les seuls des auteurs qu'il connaisse, c'est Victor Hugo et c'est tout. Oh, non, je connais Rambo. Pas Rambo. Rambo, Rambo. Rambo. Rambo. C'est pas ma guerre. Rocky. C'est pas ma guerre. Oui, il a fait beaucoup de citations. Expendables. Non, non. C'était la vanne de trop, je crois. Ouais, j'ai compris ça. Le gars de la petite d'un. Tu connais qui d'autre? Parce que ça m'intrigue. Tu connais qui d'autre quand même en auteur? En auteur? En philosophe? En tout? En tout. Bah, je connais Victor Hugo. Ouais, je connais Rousseau. T'es où? Bah, Rimbaud. C'est quoi son prénom, Rimbaud? J'aurais pas su, j'ai oublié. Arthur Rimbaud. Ouais. Baudelaire. Racine, Baudelaire. Mais ça va, tu m'as pris pour un. Nabila. Aïe, j'ai eu mon bac avant toi en fait. Romain Gary. Corneille. Tu vas te détendre. Eh bien, Schopenhauer, Socrate, oui, Corneille, Platon, avec, Corneille. Freud. Phèdre. Oui. Racine. Non, Phèdre, c'est Racine. Bourdieu. Attends. Non, c'est pas vraiment le terme. En parlant de Freud, il a pas réussi à passer le métro. T'as pas un son Prévert, Prévert, Jacques Prévert. Voilà. Jacques Prévert, tu connais Jacques Prévert? Oui, je connais Jacques Prévert. Ouais, c'est ça. Mais c'est elle où t'es où ta vanne, Jamison? Ouais, bah, on peut en reparler. En tout cas, fraude. Il a pas fraudé. Mais c'était ça ma vanne. Bah, c'était ça. Ouais. Oh, dommage. Moi, je vais vous calmer. C'est un schtroumpf qui tombe et il se fait un bleu. Vous allez l'avoir à chaque fois, celle-là. C'est Toto qui. Non, alors là, j'en ai vrai. Alors, qu'est-ce qu'une. Qu'est-ce qu'une douche sans eau? Qu'est-ce qu'une douche sans eau? Nabila, j'en sais rien. Non. Quoi? Non, mais vraiment, qu'est-ce qu'une douche sans eau? Une douche qui est fermée. Dis-moi. Une douche. Ouais. C'est pas. C'est la logique, c'est la logique. Eh, vous savez quoi? On va se laisser une mini pause là et on fera un concours de blagues après. Vas-y. Pour la dernière, juste avant mon petit jeu. Très honnêtement, je pense que c'est vraiment le moment. Bassada ou Get Down, c'est tout de suite sur Upset Radio, avant la suite de Quartier Libre et avant l'invité qui ne devrait plus tarder, donc nous devrions plus tarder à nous habiller. Elle est tout de suite. Get Down. Ouais, c'était en direct sur cette tu radio. Très bien, pour Arthur. Ouais, je sais, merci. Si vous voulez retrouver toutes nos conneries, hein, faut aller sur tous les Snapchat de l'émission, etc. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. T'as du mal à parler ce soir. Hein. C'est... Non. Si, tu fais un peu d'accro beaucoup. Ah bon, tu trouves. Snapchat. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore balancé nos snaps entre nous à l'équipe. C'est vrai. Allez, dans quelques minutes, bientôt, nous allons recevoir. Oula, je vais. Effectivement. La vérité. Dans quelques minutes, je disais donc que nous allions recevoir notre invité de ce soir, Jesse Ryan, qui ne devrait plus tarder à arriver dans nos studios. Mais avant, je vous l'ai dit, hein, juste avant. Le petit concours de blagues rapide, très rapide, le petit contest de la blague. Alors, j'en ai ce une, que vous avez, c'est le moment ou jamais. Bah, c'est le but, hein, on est d'accord. Le but, c'est que ce soit pas drôle. Le but, c'est que ce soit. Bah, que ça fasse marrer un peu nos auditeurs par aussi. Par définition, c'est drôle, mais bon, vas-y. Voilà, vas-y, essaye quand même. Ouais. Alors, c'est Toto qui va aux toilettes, mais je connais pas la suite de l'histoire puisqu'il a fermé la porte. Fermé la porte. Voilà. Par contre, j'ai un joli petit conte, un petit peu conte de fées, je pourrais vous raconter. Conte de fées. Qu'est-ce que j'aime bien la morale, elle est sympa, elle est jolie, quoi. C'est ça remet en perspective. Vas-y. Bon, il était une fois dans une vaste contrée, un empereur qui s'ennuyait, qui a demandé à un petit berger. Si tu réponds à ma question, je te donne toutes mes richesses. Tu me contamines. Et la question c'était combien y a-t-il de secondes dans l'éternité? Oh là là. Vaste question, vous me direz-vous. Eh bien, le petit berger lui dit, il y a cette montagne au loin, faite de purs diamants. Elle met une heure à gravir et une heure à contourner. Tous les 100 ans, il y a un petit oiseau qui passe et qui vient aiguiser son bec contre la paroi de cette montagne. Le jour où cette montagne sera totalement trouée, alors là, on pourra dire qu'une seconde d'éternité sera passée. Et ça, mes amis, ça veut dire que je prends un gros coup de vieux, je perds mes cheveux, les gars. J'ai peur, je suis en dépression. D'accord. Et voilà. Je m'attendais à un truc magnifique. Alors là, ce qui la tête d'Ismaël. Attends, surtout. On était tous comme ça en train de les regarder. C'est genre, ça. J'étais sûr que la fin allait être un truc magique. Mais alors là, ils sont en train de nous faire un truc. Oh là. T'es grave nul. Franchement, c'est encore nul. Pire que ce que je pensais. En plus, ça vénère parce qu'elle est longue. Donc on attend. C'est vrai, ça, on attend un truc. C'est encore pire. Expectation. Et oh. Voilà, que dalle à la fin. Et ça c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Donc j'ai réussi le concours. Ah oui, effectivement. Ah oui, bah voilà, je m'en veux. Parce que c'est dommage parce que Janison et Tom n'ont pas de blague. T'as pas de blague, Janison ? Non, moi je suis plus dans l'improvisation, moi. Ah. J'ai jamais de blague. Écoute-le, lui. Attends, si je cherche bien dans la tête. Ouais, ouais. Non, mais si je cherche bien. Ouais, si je cherche bien ordi. Sur Google. C'est surtout que, non mais surtout Tom et Jérémy, parce qu'en fait on va vous expliquer un truc, chers auditeurs. En off on discute beaucoup, etc., sur nos réseaux sociaux, sur notre groupe Messenger. Et Tom et Jérémy nous avaient promis une parodie ce soir. Ah oui, c'est vrai, ça donne quoi. Je crois que vous l'aviez fait la semaine dernière. Bah dis donc, dis donc. Et où est-ce qu'elle en est? Est-ce que vous allez faire de Magic System? C'est une humiliation. Elle est là, mais une reprise de Magic System. On en parlera. Ah bah il est là quand on parle du loup. Jérémy est là. Bonjour. Il y a notre invité qui arrive en studio actuellement. Il reste 10 petites minutes avant que notre invité, avant que nous commencions à poser des questions, Jérémy, à notre invité. On était en train de parler. Justement, on était en train de parler de toi, Jérémy. Oui. Dis-nous tout. On parlait de la. Comment on appelle de ça la, de la parodie de que tu étais censé avoir écrit. Comment ça se passe? Mais Jérémy, tu sais que c'est la radio. Casque, micro. Hein. Bonjour, j'installe la personne et j'arrive. D'accord. Je suis gentleman, pas comme vous. Oui, très bien. Tu sais que nous, on a une émission à tenir quand même, hein, j'aurais pas dire, hein, mais bon, ok. Attends, si tu veux, je peux remplir ça avec des blagues. Ouais, on va remplir ça avec des blagues. T'en veux une? Allez, on dit bonjour à notre invité. Ouais, juste après. Alors lui, le mec, c'est bonjour, mais juste après. Tu la laisses, elle s'installe, laisse-la. Bonjour, juste après. Donc tu disais, Janison, que tu avais donc des blagues. Évidemment, trouvé par moi-même. Ah oui, j'espère bien quand même. T'as 2 minutes pour faire 2 petites blagues et puis okay. Après on fait une pause et on enchaîne sur notre invité qui vient d'arriver en studio. Ok. Quelle est la différence entre une échelle et un pistolet? Aucune idée. On peut tirer les deux, non? Non. On tire une échelle et puis on tire un pistolet. Non. L'échelle sert à monter, le pistolet sert à descendre. Ouais. Allez, voilà. Deuxième discute. On a c'est la dernière, attention, c'est ta dernière chose. Ouais. Ok, bah j'ai pris. Et puis surtout, les auditeurs, vous pourrez voter après sur le chat. C'est le meilleur moment pour présenter l'émission à l'invité. C'est surtout un moment de malaise. Un très gros malaise. Hein. Je suis très mal à l'aise. On a passé une merveilleuse heure. À quel moment ça va plus en malaise? On finit avec ça, quoi. Moi, niveau malaise, je suis à fond, donc moi, c'est mort. Deuxième discute, on a beaucoup écrit sur moi. Ah, vous êtes connu? Non, tatoué. Ah, voilà. Alors, moi je vous propose donc que. J'ai trouvé mieux. On regrette son choix de vous être venu ou pas à partir de. Je pense que je vais repartir. Ouais. J'ai entendu l'idée que vous venez d'entendre. Trottle, Hit the Road Jack, et on se retrouve tout de suite après sur Upset Radio pour la suite de Quartier Libre avec notre invité qui sera avec nous pour la deuxième heure de 19h à 20h. Allez, à tout de suite. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. Quartier Libre, les amis, c'est maintenant. Et donc nous avons une invitée, le fameux moment de ce soir. Il est 19h, ça y est, tous ensemble en direct. Et le fameux moment de ce soir, c'est bien entendu notre invitée pour notre dernière émission de l'année. Ouais. Notre dernière émission de la saison, nous avons donc une invitée ce soir. Oui. Jérémy, oui. C'est donc toi qui as eu la gentillesse de non, nous apporter sur un plateau. Non mais je raconte comment ça s'est passé. J'étais sur internet et puis par hasard, vous savez, des moments on tombe sur des covers, on sait pas pourquoi. Et ben je tombe sur un cover de cette personne et je fais mais quelle voix, tu vois. Donc après je recherche tac tac tac, je tombe sur le site Kiss Kiss Bang Bang, je me renseigne et je me dis il faut l'inviter parce qu'elle a vraiment une très belle voix et je me suis dit au moins ça va faire plaisir à tout le monde autour de la table et en plus si elle peut aussi si on peut un peu l'aider, ça peut faire que du bonheur. Ça pourra, voilà. Mais bon, j'avais compris qu'on n'avait pas besoin parce qu'elle a réussi à remplir sa mission Kiss Kiss Bang Bang. C'est une bonne chose déjà. Bravo. Donc du coup, elle sert à rien. Elle se nomme Jessie Ryan et on va lui poser des questions. Et oui. Ouais. Mais déjà avant tout, c'est est-ce que déjà avant de poser des questions, on peut entendre sa douce et belle voix. Voilà. Oui, est-ce qu'on choisit quoi? Là, on fait, on choisit quoi? Est-ce qu'on choisit ta chanson, ta propre chanson ou le cover et après tu nous chantes en live ta chanson? On verra ça pendant le pub. On peut faire d'abord le cover. La petite cover d'abord. Alors, laissez-la dire bonjour et tout la pauvre. Jessie, bienvenue sur cette radio déjà. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Bienvenue dans Quartier Libre, donc l'émission de Libre Antenne du mercredi soir de 18h à 20h avec mon équipe qui est là. Et donc, le passage obligé pour tous nos invités, c'est la petite autobiographie d'une petite minute Donc vas-y, c'est à toi. Ouais. Dis-nous, présente-toi. Alors, je suis Jessie Ryan, donc je fais de la musique pop-folk, donc j'ai 26 ans, et j'ai commencé la musique il y a assez longtemps, quand j'avais 14 ans, quand j'ai eu ma propre guitare, et donc je me suis dit, tiens, si j'écrivais des petites chansons, je suis le genre de personne qui est assez timide, donc en fait, écrire des chansons, c'est un peu ma façon de parler, de m'exprimer, et c'est aussi une façon de surmonter un peu ma timidité, donc c'est comme ça que ça a commencé, et puis... J'habitais donc en Bretagne avant et je suis arrivée sur Paris il y a genre 2-3 ans vraiment et c'est là que tout s'est accéléré. Donc j'ai eu mon label, donc du coup je suis sur label. Et ensuite plein de petites choses, du coup mon Kiss Kiss Bank Bank, du coup, qui servait à financer mon EP tout en français parce que j'ai l'habitude de chanter qu'en anglais. Et je me suis découvert cette passion un peu pour l'écriture en français qui était assez difficile pour moi au début. Niveau sentiments, etc. C'est quelque chose que j'ai un peu de mal. Hein. Mais là, ça s'est concrétisé et je suis super contente. Donc là, c'est bravo. Un peu... voilà. Bravo, félicitations, bravo. Bravo. Ouais. Et pour info, c'est quoi Kiss Kiss Bang Bang ? Kiss Kiss Bang Bang, en fait, c'est une plateforme de crowdfunding où en fait, les internautes t'aident à monter ton projet. Donc là, mon projet, en fait, c'était cette EP en français. Ok, c'est un peu comme My Major Company. Un peu comme My Major Company. Ça s'est transformé, My Major Company, parce que ça devient plus professionnel, entre guillemets, je veux dire. Où maintenant, c'est compliqué pour faire pour des projets. Pour les petits artistes, ouais, vraiment, de sortir un peu de la masse. 4 513 euros collectés sur 4 500. Oh, c'est bien. Pour monter un premier EP en français, c'est vraiment très très bien. Et tu sais qui sont les donneurs ? Est-ce que c'est d'abord, j'imagine, la famille en premier, après les proches, les amis, et après c'est les amis des amis, après c'est les inconnus ? Tout à fait, c'est vraiment, en fait, on a vraiment trois cercles. En fait, d'abord, c'est vraiment la famille, les amis proches, ensuite c'est vraiment les amis des amis, et ensuite le grand public. Donc pour moi, c'était vraiment de démarcher vraiment ma famille, de dire à ma famille, ben tiens, si vous pouviez en parler autour de vous, etc. Et ça s'est fait petit à petit, et voilà, donc du coup tout a été collecté. Tu as pris des cours de chant ou... Du tout, je suis vraiment autodidacte. D'accord. J'ai pas pris de cours de guitare non plus. Je fais vraiment tout en fait au final. Ça, c'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne, surtout les guitaristes qui n'ont jamais pris. C'est impressionnant, mais je pense que ça a aussi ses défauts et ses limites. T'as appris avec des gens quand même, en groupe, ou c'était vraiment toute seule? Non, toute seule. C'est vraiment en apprenant les chansons que j'entendais, que j'aimais, d'essayer de les reproduire, de trouver les tablatures sur internet. Vraiment cette capacité à vraiment tout apprendre par moi-même. Ouais. D'accord. Bravo, bravo. Jenison, Tom ou Ismaël, peut-être une question pour notre invité. Je réagis juste à ce qu'elle vient de dire, dans le sens où que ça a peut-être aussi ses inconvénients, le fait d'apprendre et de faire tout seul. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, t'as besoin de gens, t'as besoin de conseils, de professionnels, etc., pour essayer d'aller vers autre chose, d'évoluer encore et d'aller plus haut. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment, je pense que tu te retrouves avec tes limites, dans le sens où t'es arrivé à un point et t'as envie d'en accéder à un autre. Et c'est grâce justement aux gens avec qui tu peux t'entourer et qui peuvent t'apprendre. Oui. Donc notamment des cours de chant, etc., que tu peux évoluer, je pense. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est très juste ce que tu as dit. D'accord. Et c'était quoi l'élément déclencheur où tu te dis, là, c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie? C'est la première fois où je suis montée sur scène. C'est la première fois, c'était assez particulier parce que j'avais gagné un concours, c'était un concours énergie. D'accord. Et pour chanter avec Music Only. Et c'était pour chanter avec Jesse McCartney, donc c'était vraiment un de mes chanteurs préférés à la base. Et donc ça a été ma première scène, et c'est vraiment en me retrouvant devant cette scène qui se passait à Rennes que je me suis dit, en voyant tous ces gens qui étaient en train d'applaudir, qui étaient en train de chanter en chœur avec nous, et je me suis dit, putain, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est là. D'accord, que je veux donc être. C'est la scène qui t'a... C'est ça, c'est vraiment passer ses émotions. L'appel de la scène. Exact. Ouais, c'est vrai, mais beaucoup d'artistes le disent en fait. Où ils font vraiment. Il y en a des moments où on se demande même s'ils font pas des albums, surtout pour être sur scène en fait, au-delà de tout ça. Mais en fait, c'est bizarre parce qu'il y a une. On peut être entouré de monde, il y a vraiment un tas de monde, mais le fait qu'on. Enfin, c'est. Pour moi, c'était tellement noir, je voyais personne, qu'il y a cette sorte d'intimité, au final, où on se sent dans sa bulle, et tout ce qu'on a à faire, c'est chanter, et vraiment de donner le meilleur de nous, et c'est... Mais le côté médiatique, ça te fait pas peur, entre guillemets, ou ça t'intéresse, t'es pas trop dans ce délire-là? Non. Parce que le contrat aussi, maintenant, on le sait, c'est si t'es connu et si tu réussis, comme un peu Vianney, parce qu'en ce moment Vianney par exemple lui c'est l'indépendant entre guillemets qui réussit entre guillemets, ouais. Mais il va partout, il fait toutes les radios, il fait toutes les émissions. Est-ce que ça par exemple ça te saoule un petit peu, ou parce que t'imagines, parce que j'imagine que tout, comme tout le monde imagine réussir, ouais. On imagine ces choses arriver. Après c'est très dur d'imaginer à quoi ça peut ressembler par la suite, parce qu'on l'a pas encore vécu. Mm-hmm. Je sais pas ce que c'est de passer de radio en radio, de scène à scène, d'avoir des gens qui te suivent partout, etc. Donc je peux pas vraiment répondre à cette question, mais c'est vrai que d'un côté ça fait assez peur, cette sorte de passer à presque personne, à vraiment quelqu'un où tu n'as presque plus cette intimité, cette vie privée. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais c'est peut-être aussi un challenge, ou de voir comment on peut réussir à comment dire, à faire la part des choses. Donc ton but c'est pas d'être la superstar, c'est vraiment de réussir à toucher les gens avec tes chansons, quoi. Tout à fait. Et qu'on les rechante avec toi. C'est mon credo, c'est vraiment ça. Ouais. D'accord, ok. Et donc tu cherches actuellement peut-être des partenaires pour faire des partenariats, ou Britney Spears? Britney Spears, non. Pour essayer d'arriver à un certain niveau, non? Non, pour l'instant, je me concentre sur le fait de faire mon petit EP, et je vais voir à quoi ça peut m'amener par la suite. Mais pourquoi pas faire un duo avec, oui, une personne d'un peu plus connue que moi. Ça peut être quelque chose, un challenge, ou quelque chose d'assez, ouais, d'assez cool. Et quels sont tes artistes préférés? Est-ce que tu en as un qui t'inspire particulièrement? Comme je disais un peu tout à l'heure en antenne, oui, j'ai ma chanteuse préférée, c'est Michelle Branch. C'est vraiment une artiste que j'écoute depuis le collège. Et c'est une artiste assez pop, folk, country. Donc c'est vraiment mon artiste favorite. Ensuite, il y a Ed Sheeran aussi, qui m'influence beaucoup. Il y a des petits artistes, hein, c'est indépendant, très british, qui s'appelle Gabrielle Aplin. Ou encore, comment dire, Nathalie Holmes ou autre chose. Mais j'aime vraiment ce côté très folk, très acoustique. C'est vraiment ce genre de musique qui m'inspire. J'ai une petite question. Par exemple, ouais. Ed Sheeran, pour moi, c'est l'artiste indépendant absolu. Mais en même temps, quand j'y pense, quand il fait des tubes qui sont populaires, mm-hmm. par exemple, quand il est avec sa petite marionnette, je sais pas si tu te rappelles de cette chanson-là dans le clip. Sing, je crois. Ouais, exactement. Ça, par exemple, c'est super populaire. Ouais. C'est un truc vraiment quasiment de la musique commerciale, entre guillemets. Ça, par exemple, ça te choque de sa part, ou tu l'acceptes et tu aimes aussi cette musique-là? Non, je l'accepte, parce qu'au final, moi, ce qui m'intéresse, en fait, chez un artiste, c'est pas ce qui va sortir comme clip ou autre chose, c'est vraiment ce côté où je vais pouvoir le voir, seulement lui et sa guitare, chanter cette chanson autrement et voir vraiment, vraiment ce qu'il vaut. C'est vraiment ce côté-là qui m'intéresse. D'accord. Et je sais qu'il peut faire les deux. Donc, oui, la performance. Tout à fait, vraiment, la performance live, lui seul et sa guitare. Donc non, c'est pas quelque chose qui me choque, parce que aussi, j'aime bien aussi, ça te permet de t'amuser, de bouger la tête. Donc, de bouger la tête. Moi, j'ai une question, c'est pas... ça me fascine beaucoup les gens qui sont autodidactes. Comment t'as appris à faire la guitare? Tu t'es servi de quoi en fait? Internet. Internet. Vraiment Internet. Donc t'as dû apprendre toi-même le solfège, YouTube. Et tout alors. Pas vraiment le solfège. Je regardais les tablatures. J'avouerais que je connais que les accords de base. Ouais, ok. Vraiment les accords de base, ou sinon je fais des accords, je ne sais même pas ce que c'est. Ben, ok, d'accord. Donc c'est un peu ça. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment je fonctionne au feeling sur ma guitare, au feeling, enfin j'essaie de reproduire les sons que dans j'entends. La mélodie, ouais. Voilà, ça sonne bien, quoi. C'est okay. Voilà, si ça sonne bien, ok. Mais comme je disais, c'est vraiment ça aussi qui a ses limites, parce que au final, je ne sais pas du tout quel accord je suis en train de jouer, et je sais pas par exemple quel accord pourrait bien aller après ou avant, ou faire quelque chose Justement, toi tu es plus une chanteuse en solo, ou tu peux travailler avec un groupe d'autres musiciens? J'ai travaillé pendant un moment avec un groupe pendant un an, et non, je peux totalement le faire, mais il faut me guider. Ouais, justement, ça risque d'être handicapant, justement, si eux ils sont plus dans une formation classique avec justement les tablatures, voilà, etc. Alors que du coup, c'est un peu un dialogue de sourds, quoi. C'est un peu difficile. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de travailler avec ce genre de personnes qui avaient justement ce bagage, parce que justement ils pouvaient m'expliquer un peu ce genre de choses et vraiment me guider. Ils m'ont guidé tout du long. Mais c'est vrai que personnellement, je préfère quand même être un peu plus solo sur la scène. Tu préfères vraiment rester indépendante pour avoir vraiment ta musique, t'imposer dans ton style, etc. C'est ça. D'accord, ok. Oui. Non, j'ai une question. Alors on va changer de sujet, mais l'été et le crochet, par exemple, comment toi tu vois ça? Est-ce que tu vois ça comme un tremplin? Est-ce que tu vois ça comme un monde un peu vicieux? Est-ce que tu vois ça comme un je donne un bras mais je me fais bouffer l'autre, entre guillemets? Parce que c'est un peu ça, chansons des autres, mais je chante pas mes chansons, donc on me voit pas vraiment comme je suis. Donc The Voice, Nouvelle Star, c'est quoi ton avis sur ces émissions-là? Eh ben écoute, je dirais... Et tu peux tout dire ici. Je dirais que c'est un peu des deux. Enfin, ouais. C'est vraiment... C'est quelque chose qui ne me plaît pas à la base. Mm-hmm. C'est quelque chose où je me sens très petite et très... très comment dire... J'ai l'impression d'être une petite fourmi, ouais. Ce genre de choses. Mais c'est aussi un tremplin. C'est vrai que pour des artistes un peu amateurs comme moi, ça permet d'avoir une certaine visibilité, de pouvoir décrocher un contrat avec un major. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut peut-être pas négliger, quitte à perdre une petite part de soi au passage, bon, ce qui est dommage. Mais je pense que si après, si c'est pour faire ce que tu aimes par la suite, pourquoi pas. Mais c'est vrai que oui, c'est un peu difficile. Moi, j'avais une question. Comment as-tu fait pour être repéré par les Arocs? Parce que les Arocs ont écrit un espèce de mini-article sur toi. Ah bon? D'accord. Tu sais pas? Les Arocs. Ah non, mais c'est les qui ont écrit. Voilà. Tu savais pas? Et qui ont partagé ton SoundCloud, etc. aussi. Ah bon? Non, mais je crois que sur les Inrock, on peut mettre son profil, je crois, pour passer des concours, je crois. Donc c'est peut-être pas eux qui ont écrit, c'est peut-être moi qui ai mis la petite bio. Parce que là, je me suis dit, c'est bizarre quand même. J'étais pas au courant. Parce que nous, moi, je pensais en tout cas que c'était grâce à un des télécrochets que tu aurais pu faire, style The Voice ou Nouvelle Star, etc. Non, il y a Esprit Musique qui avait écrit un article sur moi à la base. Mais non, je crois pas que les Inrock ont écrit sur moi. D'accord, ok. Si vous n'êtes pas de passage par ici, bonjour. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi justement ne pas avoir fait un gros télécrochet musical du style The Voice, par exemple, sur TF1 pour t'être fait connaître? Elle en fait un, là. Tu es dans les préparatifs. T'as le droit d'en parler? Dans les débuts. Comment? T'as le droit d'en parler? Je ne sais pas trop. Mais. On va pas dire le nom. Mais les The Voice m'avaient contacté l'année dernière. Ah, carrément. Ah, c'est eux qui te contactent carrément. C'est eux qui m'avaient contacté. Ah, ouais. The Voice m'avait contacté. Je crois que The Voice, c'est spécial comme casting. C'est-à-dire que c'est eux qui te chopent. C'est ça. Mais tu peux les choper aussi. Oui, aussi. C'est vrai. Mais en fait, ils ont des recruteurs, des casteurs qui font le tour sur internet et ils font aussi dans les bars. Oui. Et du coup ils t'ont contacté mais tu t'as pas. Je me suis défilée. Ah c'était trop. J'ai pris peur. Pourquoi tu avais le ticket. Tu avais le ticket pour participer à la première étape. Tout à fait, mais je devais passer l'audition devant Bruno Berberès, etc. Tout à fait. Ah d'accord. Et j'ai pris peur et je me suis dit non, pourquoi je fais ça et j'ai pas fait. Dommage. C'est pas grave. C'est dommage quand même parce que c'est dommage. Oui, mais quand je disais, je suis quelqu'un de très timide. C'est compréhensible aussi. C'est pour ça que pourquoi pas un début à la radio, ce sera plus simple. Voilà, parce qu'à la radio, il y a grâce moins de monde. Voilà. Y a, en fait, tu sais qu'il y a du monde qui t'écoute après, mais tu le vois pas. Tu les vois pas. La télé, c'est pareil, tu les vois pas. Bah, The Voice, le plateau est quand même en public. Alors, donc je conseille quand même à notre invité de se déplacer sur l'autre chaise, sinon tu vas cuire comme moi. C'est un conseil. Parce que là, t'es rentré mimétis. Tu vas ressortir. Mais tu vas ressortir du Congo là. Change de micro, t'inquiète pas. Il suffit juste de l'allumer et puis hop là, ça fonctionne. Très très bien. Que voulais-je dire? Oui, Smail, peut-être tu avais une question. Oui, dis-moi, quel est ton plat préféré? Très existentielles, Ismaël. Oui, il y a toujours l'habitude. La dernière fois, c'était le tiramisu. Oui. Mais peut-être que je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui te met dans le mood pour que tu puisses être de bonne humeur, avoir une voix, je ne sais pas, du miel ou je ne sais quoi. J'essaie de justifier cette question totalement inutile. Mon plat préféré, c'est un plat que fait mon père. Mon père est créole. Et il fait. Oh, t'es de quelle origine? Créole. C'est-à-dire? Non, mais Tom, on verra ça en antenne. Moi aussi, je suis réunionnais. Cool! Ouais! C'est magnifique! Tu regardes saucisse? Non, c'est pas le regard saucisse. C'est les pâtes cantonaises. En fait, c'est le riz cantonais revisité avec des pâtes. D'accord. Et donc, c'est à chaque fois que je rentre à Rennes, mon père me fait des pâtes cantonaises. C'est mignon. Ça me donne faim surtout. C'est ta madeleine de canton. C'est Madeleine de Proust. J'ai une meilleure question de toi. Ah ouais? Vas-y, Janisson. Non, vas-y. Okay. Je suis impatient d'entendre ça. Non, mais moi, c'est une question sérieuse. Quels sont tes films et tes séries préférées? Oula. Est-ce qu'il y a quelque chose en rapport justement avec la musique? Je ne sais pas. Du tout. Alors, niveau film ou niveau série, non, ça ne reflète pas du tout ma musique. En film, c'est très bidon, mais c'est Coup de foudre à Notting Hill. C'est très girly. Non. Mais sinon, ma série préférée, c'est Dexter. Ah, il Michael T. Hall. C'est l'acteur c'est l'acteur de la série. Parce il que est pas si connu que ça. Moi j'avais une question. Donc alors j'ai une question. On a compris que tu venais pas de Paris. Ça fait combien de temps que t'es à Paris? 3 ans, elle a dit. Elle a dit 2-3 ans. Non, mais j'aime bien pour rappeler aux gens. Ah, d'accord. Et ma question c'est, est-ce que tu aimes Paris? Est-ce que tu arrives à accepter le rythme? Fais très attention. Si tu restes ici, tu veux faire carré ici, fais très attention. Non, mais c'est faux, t'es pas obligé. Alors je dirais. Non, mais vraiment, honnêtement, c'était très dur au début. Pour la petite Bretonne que je suis, c'était très dur. Justement, ces gens qui courent partout, le côté un peu gris, les gens qui ne te sourient pas dans le métro, les gens qui te bousculent partout. Bienvenue à Paris. Les métros bondés. Moi, j'étais habituée à mon petit tram. Mon petit métro qui faisait du point A au point B, ça prenait 15 minutes, qui faisait toute la ville. Donc, quand tu arrives à Paris et que tu connais pas et que tu as tout le monde qui se bouscule comme ça, c'est vrai que c'est assez dur et ça donne pas vraiment envie de sortir au début. C'est vrai que pendant au moins, bien 6 mois, 1 an où j'avais l'impression d'avoir rien vu parce que j'étais en train de faire métro boulot dodo et que voilà. Et le stress ça te touche ou pas? Ouais. Même pour ton travail par exemple. Parce que tu nous dis que t'es plutôt timide. Ouais. Donc il y a un stress j'imagine qui arrive avec la timidité quand on doit chanter devant des gens, etc. Mm-hmm. Est-ce que ce stress il est nécessaire? Est-ce qu'il t'aide ou est-ce qu'au contraire il te met un peu un croche-patte de temps en temps? De temps en temps c'est assez handicapant, je l'avoue. Mais au niveau de mon travail, non, parce que mon travail n'est pas du tout stressant. Je suis graphiste web designer. Oh, trop stylé. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression de jouer quoi. Quand je vais au travail, j'ai pas l'impression d'aller travailler, donc c'est ça qui est cool. Et non, niveau musical, en fait, c'est vraiment le track avant de monter sur scène ou avant de passer un casting où j'ai vraiment les mains qui tremblent, le mal de ventre, les suées. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de. Et comment t'arrives à relativiser? T'as une technique? T'es superstitieuse, t'as des petits tocs, comment ça se passe? Du tout, j'essaye de faire le vide, de penser à autre chose et de me dire que ça a bien se passé. Je ferme les yeux un moment, j'écoute une chanson qui me calme un peu. Et après, en fait, c'est dès que je suis dedans où tout s'en va, en fait. Donc, d'accord. C'est cool, c'est vraiment un moment avant. Moi, j'ai 3 questions. Oula, je réserve ma place. Non, mais il n'y a aucun souci. Moi, j'en ai une rapide. Vas-y. Une rapide. Alors, une rapide. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une salle de combien de spectateurs que t'as fait à un concert ou comme Le maximum. Le maximum, quoi. Non. De personnes devant qui t'as pu faire ton art. J'avoue que je ne sais pas du tout. Quand je disais la première scène, c'était à la Cité à Rennes et c'était rempli, mais je ne sais pas combien de personnes ça fait. Mmh. Donc c'était quand même assez grand. 5000, un truc. C'est quand même assez grand, mais en fait je voyais rien, c'était tout noir. Donc j'avoue que je ne sais pas. D'accord. C'est bien pour activité, ça. Ouais. Alors du coup, moi je voulais savoir, est-ce que tu suis un peu justement, on en parlait, est-ce que tu suis un peu The Voice? Est-ce que tu as suivi un peu la nouvelle star? Toi, t'as pas écouté, toi. Est-ce que tu as suivi ou pas les saisons? Vraiment de temps en temps, comme ça, quand je tombe dessus, mais je suis pas vraiment. Ok, est-ce que tu aurais une référence de quelqu'un qui a pu réussir dans le sens où qui est parti de rien et qui a pu. Un talent, de que ça soit The Voice, Nouvelle Star ou. Télécrochet? Ouais. Télécrochet, non, j'avoue que non, niveau télécrochet, j'ai aucune référence, de personne à qui tu pourrais te. Si tu étais amené un jour à en faire. À être amené à faire l'expérience, aucune référence d'artiste ou... Non, parce que vraiment, j'ai pas vraiment suivi ce genre de choses jusqu'au bout, vraiment, du casting jusqu'à la fin. Donc je connais juste des noms à droite, à gauche, mais je t'avouerais que non, j'ai pas vraiment de référence de télécrochet. Comme Julien Doré, par exemple. Julien Doré, si, je le connais, bien sûr, lui, son ukulélé. D'accord. Non, j'ai pas assez suivi cette personne pour... Et du coup, tu disais que t'avais suivi aucun cours, etc. Est-ce que tu serais intéressé pour suivre une formation, que ce soit en conservatoire ou des cours en particulier? J'ai cette hantise aussi de faire ce genre de cours, parce que je me dis que ça risquerait de casser mon feeling. Okay. Parce que je me dis que quand on est trop ancré justement dans une espèce de technique, cette technique peut aussi, je ne sais pas, m'enlever mon feeling, et je serais tellement en fait en train d'essayer d'être trop technique que ça m'enlèverait un, ce côté que j'ai à la base. Donc après, c'est peut-être moi qui fais un blocage, mais je pense que ce serait intéressant aussi, oui, de prendre un cours de chant ou un cours de guitare, voir où je peux aller, etc. Mmh. Mais de là à faire le conservatoire, je suis d'accord. Pas sûr. Et dernière question, est-ce que tu serais intéressé pour faire des scènes ouvertes ou quoi que ce soit sur Paris, Bien sûr. Open mic ou quoi? Oui, là, j'ai envoyé pas mal de mails pour essayer de faire des petits concerts dans des bars, des petits cafés-concerts, etc., qui permettraient un peu de promouvoir l'EP que je vais sortir bientôt. Donc oui, ça, c'est totalement intéressant pour moi, ouais. D'accord. Et en général, ils te répondent positivement, les cafés, les bars, etc., ça te... Oui, là, j'ai eu quelques réponses positives, donc c'est cool, pas pour ce mois-ci, mais vers septembre, par là, ils ont des dates de dispo, donc je pense que ça va se faire. Et j'ai une petite question, est-ce que tu écoutes la radio souvent? Est-ce qu'il y a une chaîne radio qui correspond à ton style et des... Je n'écoute pas du tout la radio. Non, j'écoutais beaucoup avant, genre le Move. Maintenant c'est Spotify ou vraiment YouTube. J'aime bien laisser passer YouTube, genre Vevo Discover ou des trucs comme ça, où ça me permet de connaître des petits talents émergents. J'aime beaucoup vraiment les talents émergents. Et c'est vraiment ce genre de choses que je fais. Dis-moi, est-ce que si tu avais l'opportunité et qu'on te la présentait, est-ce que tu envisagerais de faire l'Eurovision pour représenter la France? Oula! Ça, c'est une bonne question. C'est très loin, très certainement, mais c'est en même temps, très loin. Très pas... On est loin, mais. Mais tu sais, ils prennent des. Je dis pas que tu es. non, ils prennent des inconnus, autant qu'on se dise. Bah, Alma, elle était inconnue. Exactement, Alma était inconnue et tu as tes chances, je pense, si tu fais le casting. Mais après, il faut que tu en aies envie. Est-ce que tu en serais capable? C'est quand même une grosse pression. Est-ce que tu en aurais envie? Est-ce que tu en serais capable? Est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose pour ta carrière? Alors, en avoir envie, pourquoi pas? Je pense que ça peut être intéressant, c'est une expérience comme une autre. Est-ce que j'en suis capable? Là, c'est vrai qu'il y a du public. Là. À ce moment précis, je ne suis pas sûre. Dans le lieu, il y a du monde. Et à la télé, il y en a encore plus. Voilà, non, mais c'est quand même une grosse pression quand même. C'est quand même essayer de faire bouger les gens, qu'ils soient réceptifs à ce que tu es en train de chanter. C'est vraiment devant des tonnes de pays également, donc c'est un peu un challenge hallucinant. Parce que là, si tu rates, c'est grillé. Hein. Voilà, c'est ça. Arrivé à l'espagnol là, qui a sorti la note et qui a. Voilà, tu vois, là il est grillé par exemple. Qu'on a vu sur notre blind test. Sa carrière est terminée. Ouais. C'est foutu. Voilà, j'ai une petite question. On parle de l'Eurovision, les pays, etc. La France, pour toi, comment tu vois ton pays? Dans le sens où... Est-ce que tu aimes ton pays? Non, pas dans ça, mais positivement, riche de culture. C'est quoi pour toi la France, entre guillemets? C'est large, mais je veux dire, même, tu peux me dire un truc tout bête, mais... Bienvenue sur Arte. Non, c'est vrai. Pour moi, la France égale retard. C'est ça. Ah, on est trop en retard par rapport aux autres. C'est ça, on est tellement en retard. Par rapport à quel sujet, par exemple? Avec la SNCF, c'est pas étonnant. Déjà, musicalement parlant, on est très en retard. Musicalement parlant, on est très en retard. Et oui, je ne sais pas. Moi, je comprends pas ce que tu. Pourquoi musicalement on est en retard? Dans quel sens? Je sais pas. Enfin, je sais que je connais des artistes comparés aux États-Unis, par exemple, où il y a des artistes qui sont là depuis je sais pas combien de temps. On va les entendre même pas 3 ans plus tard en France. Il y a vraiment. C'est ça. Dans ce sens-là, il y a vraiment une différence d'un pays à un autre. Ouais, parce qu'après, c'est pas aussi la même. On n'a pas tout à fait la même culture. C'est vrai, par exemple, c'est ça. La musique country, entre guillemets, qui n'est pas vraiment country au final, parce que quand j'écoute ça, ça fonctionne hyper bien, et ici, c'est compliqué. Mais c'est ça. Mais la France reste quand même, au niveau musique, le deuxième pays où tu peux réussir avec après les États-Unis. Ouais, en retard, par exemple, il arrive très bien dans les pays. Oui, c'est clair. Un peu partout. Si je dirais en retard, je dirais c'est différent. Oui, voilà, je pense que, oui, peut-être, musicalement parlant, la France a des goûts différents. Si je te dis Tess. J'adore Tess. Que tu étais censé aller voir en concert ce soir. Tout à fait. Oh non, j'étais. Ouais, mais si. Non, parce qu'en fait, on a décalé notre. J'avais participé à un concours pour gagner des places pour voir Tess ce soir. Ouais. Et donc à ce moment-là, j'étais libre puisque on était censé passer le 5. Demain. Et c'est-à-dire que tu m'as dit oui pour nous faire plaisir quand même. C'est ça. Non, mais c'est parce que, enfin voilà, oui, enfin j'ai quand même dit oui pour le 4. Je vais pas me débiner. Enfin, voilà, c'est... Ah, donc là, tu loupes un concert pour nous? Comment? Tu loupes un concert pour nous? Tout à fait. Non, je loupe Tess pour vous. Oh, je loupe Tess pour vous. Eh ben, merci quand même. Hein. C'est quand même très gentil. Tess, tu m'entends? Je suis désolée. Que fait-il? Quel est son style de musique, etc.? Tu es timide, mais tu es aussi trop gentil. Voilà. Autant qu'on te le dise. Mais on aurait pu faire ça un autre jour. Alors, Tess, on aurait même pu faire ça plus tôt si tu nous l'avais demandé. Il suffisait de demander. Mais c'est vrai. Non, mais c'est pas grave, hein, vous savez. Je mais tu sais qu'il faudra s'imposer dans ce métier. Moi, je te fais ton manager, on va. On s'impose. Parce que nous, ça va, on est sympa, mais quand je te prends d'autres gros groupes du style Energy, Fun, etc., eux, ils vont t'imposer les trucs, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Mais... Arthur va te payer les prochains. Mais tu le savais pas, en fait. Tu le savais pas encore que t'avais gagné. Je l'ai su hier. Je l'ai su hier soir que j'avais gagné. Tu aurais dû nous dire tout de suite. Bah non, j'avais dit oui avant, je vais pas. Mais non, mais je l'ai su à 21h hier soir. Si c'est ta référence. Si c'est ta référence et que tu kiffes, on aurait pu. T'inquiète. C'est à quelle heure le concert? C'était à 18h45. Ah, c'est dommage. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, elle a plein de concerts qui vont arriver. Il y a pas de souci. T'inquiète pas, Arthur va te les payer. Quel est ton morceau préféré de Tess? Tess, elle a sorti un morceau là qui s'appelle Love Gun et que j'adore particulièrement. C'est vraiment, c'est très pop. Pour le coup, c'est très très pop, mais c'est en anglais, c'est une artiste française qui chante en anglais, et c'est vraiment pas mal. Est-ce que ça te représente ou pas? Ce genre de musique, est-ce que tu pourrais te je dis pas te représenter, voilà, t'identifier exactement à cette musique? Et ben, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le côté acoustique qui m'intéresse. Donc j'ai découvert la version pop vraiment comme là on l'entend. J'ai accroché, je sais pas pourquoi, j'ai accroché, je l'ai regardé, j'ai adoré. Et ensuite j'ai découvert la version où elle chante seulement elle et sa guitare. Et je préfère cette intimité là. Mais c'est vrai que oui, c'est une chanson à laquelle je peux m'identifier, oui. T'es plus dans l'acoustique. Ouais. Mais alors, moi, je te dis la vérité, il y a des artistes pour l'acoustique et il y a des artistes qui ne sont pas pour l'acoustique. Parce que, par exemple, il y a un chanteur que j'aime bien, Icar, je sais pas si tu connais, je l'ai vu en concert, je l'ai vu sans acoustique et avec acoustique. Ouais. Et je t'avoue qu'avec acoustique, il manque une âme. Une partie de son âme qui n'est plus là, en fait, entre guillemets, artistiquement parlant. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que tu dois faire attention, je te conseille, mais je ne suis personne après, pour quand te je dire. Parle aussi acoustique, mais je pense que c'est bien de faire les deux, tu vois, oui, de bien faire sûr, des concerts acoustiques, donc les gens ils viennent, et puis quand les gens ils aiment pas trop ça, hop, comme ça ils peuvent voir aussi une version un petit peu plus. Avec un groupe. Après, voilà, quand je dis acoustique, c'est vraiment. Après, on peut mettre une batterie. Mais après, si c'est ton style personnel, voilà. C'est normal. Comme Vianney, par exemple, si je me trompe pas, il est tout seul, je crois. Il n'y a pas de musicien sur scène. Je dis peut-être une bêtise, oui, mais peut-être, je crois. Après, je regarde pas trop, mais c'est vrai qu'on le voit lui et sa guitare. Bon, oui, il y a peut-être une bande instrumentale qui passe derrière. Jérémy peut devenir ton manager. Hein. Jérémy est prêt pour ça. Eh ben, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se laisse notre dernière pause musicale de la soirée. Comme ça nous laisse le temps de t'installer pour ton petit live, etc. On s'écoute Alok, Fuego, et on se retrouve tout de suite après sur Cartil pour la suite de l'interview de notre invité. Allez, à tout de suite. Soy el fuego que... Alok et Bhaskar, c'est leur nouveau tube, leur nouveau titre de l'été. Ça sent l'été ce genre de morceau, j'aime bien. Sur Web 7 Radio. Tout de suite, je vous propose que Jesse nous fasse son morceau en live. Tom, allume le micro de Jesse s'il te plaît. Voilà. Que vas-tu nous interpréter ? Alors, c'est une chanson que j'ai écrite il n'y a pas longtemps qui s'appelle Méli Mélo et qui sera justement une des chansons qui sortira sur l'EP bientôt. Eh bien, très bien. Eh bien, je vous propose d'applaudir Jessie qui va nous faire son morceau. Merci. On tourne autour des mots, on tourne autour du pot. Something inside my head, feelings that I don't know. J'aurais aimé comprendre toutes tes méli-mélos. Des phrases sans queue ni tête qui riment avec peut-être. The simplest things are complicated. The simplest things complicated. Mais ces mots qui blessent, en vain qui restent ancrés en moi. Ces sentiments simples et compliqués à la fois. J'aimerais comprendre, mais tout rime avec je ne sais pas. Explique-les-moi, explique-les-moi. On se court sans cesse après, sans pouvoir se rattraper. En avoir gros sur le cœur, laisser les larmes s'échapper. Mais ces simples petites choses, si compliquées. De simples petites choses, si compliquées. Mais ces mots qui blessent, en vain qui restent ancrés en moi. Ces sentiments simples et compliqués à la fois. J'aimerais comprendre, mais tout rime avec je ne sais pas. Explique-les-moi, explique-les-moi. Too much feelings and I'm crawling under, crawling under. Si écrasant, ils auront raison de moi, raison de moi. Mais ces mots qui blessent, enfin qui restent ancrés en moi. Ces sentiments simples et compliqués à la fois. J'aimerais comprendre, mais tout rime avec je ne sais pas. Explique-les-moi, explique-les-moi. Toutes ces méli-mélos. Bravo pour ce magnifique morceau. Moi je dis, j'ai cliqué sur Facebook et je suis allé suivre Jesse Ryan, donc vous avez intérêt tout sur ta page Facebook. Vas-y, c'est le moment de faire ta promo. Je suis gentil. Je suis tombé amoureux de ta voix. C'est gentil. C'est magnifique. Profites-en pour faire ta promo. Fais gaffe parce qu'au début c'est ta voix, après on sait pas ce que c'est. Non, vraiment une très très belle voix. Non, c'est très très beau. Alors, en fait, on n'a pas les mots. C'est ça. C'est nous perturbe en fait à la fin donc de notre enregistrement de la dernière. Est-ce que ça parle de mélancolie, ta chanson, tu sais, le mec qui a chanté explique-nous l'histoire de cette chanson parce que moi ça m'intéresse en fait. Pourquoi t'as écrit cette chanson? Pourquoi j'ai écrit cette chanson? À quel moment de ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? Un choc émotionnel? C'est le psy. Tu as quelque chose qui va pas dans ta tête. Non, je dirais que oui, j'ai genre un an et quelques, j'ai eu une rupture et en fait je me suis rendu compte que je m'étais remise surprise de cette rupture. Et en fait, c'est bizarre parce que quand on s'est remis de tout ça, il y a des sentiments ou des choses qui s'en mêlent. On ne sait plus trop ce qu'on est en train de ressentir. Est-ce qu'on est heureux pour cette personne? Est-ce qu'on est heureux pour nous d'être passé à autre chose, etc. Donc c'est vraiment ce méli-mélo en fait, de sentiments que j'essaye d'expliquer là-dedans. Oui, c'est un moment donné où je me suis retrouvée dans ma feuille de papier, ces paroles sont sorties et je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça en fait. Et pourquoi avoir... Oui, il est allumé mon micro. Pourquoi avoir choisi de mélanger le français et l'anglais? Comme je disais, je chantais beaucoup en anglais avant. Et pour moi, en fait, cette chanson m'est apparue en français avec ces quelques mots d'anglais. Et je me suis dit, c'est moi, c'est tout à fait moi, ce côté un peu, ces deux parties, ce côté un peu vraiment perdu entre anglais et français. Et maintenant, j'arrive vraiment à avoir ces deux parties-là. Ouais, et les deux palettes. Tout à fait. Et justement, tu parlais que c'était difficile pour toi d'exprimer tes sentiments en français, etc. Mais parce que c'est pas parce que le français, on a l'impression que ça, c'est plus touche. Enfin, ça cherche vraiment dans nos tripes et que. Eh bien, c'était pour ça que c'est le français plus direct que ça me gênait au début parce que j'avais l'impression que tout ce que je pouvais écrire en français n'avait pas de sens et était des fois niais. Donc à chaque fois que j'écrivais quelque chose, je croyais que c'était totalement niais, je jetais. Et en fait, ce qui est bien avec l'anglais et ce qui n'est peut-être pas très bien non plus, c'est qu'au final, les gens ne cherchent pas à comprendre. Ouais, voilà. Et ça fait poétique. On se réfère à la mélodie. Musique, la mélodie. Non, voilà. Au niveau de la langue, à la rythme. À la. Un verbe. À la synonymie, à la. Que veux-tu dire, Tom? Bah, on voit pas tout ce que c'est. Signification. Non, on se réfère. En anglais, tu écoutes. La symphonie. À la forme. Ouais, enfin, le français. C'est en fait chaque langue a une. Je vais pas trouver la sonorité. Ouais, voilà, une sorte de sonorité de, tu vois, à l'oreille. Alors, au niveau de l'anglais, c'est plus tu te réfères à la sonorité, alors c'est que ça. Le français, tu te concentres vraiment aussi sur les paroles. Voilà, sur les paroles. C'est pour ça que j'avais vraiment cette barrière en fait que avec le français, tu n'as plus cette barrière en fait, tu ne peux plus te cacher derrière les mots. Et en fait, j'ai réussi justement à passer cette barrière et maintenant, quand j'écris en français, j'ai plus l'impression d'écrire. Pour être cru, de la merde. Mais est-ce que tu penses que ta timidité, c'est là où tu puises ta force pour chanter? Si, c'est aussi ça. C'est vraiment, en fait, pour moi, ma timidité, c'est aussi un obstacle comme ça peut être une force. Mais tu es timide par rapport à l'inconnu, c'est bien ça? Par rapport à l'inconnu ou par rapport, oui, quand j'ai rencontré une personne pour la première fois et que je ne la connais pas, bien sûr, il peut y avoir une certaine retenue, etc. Je ne sais pas comment je vais devoir me comporter, etc. C'est ces choses-là qui me mettent un peu mal à l'aise, qui, des fois, je me cache derrière l'humour, des choses comme ça, pour éviter de mettre une petite barrière. Donc, est-ce que le regard de l'autre, mais musicalement, quand on regarde un artiste, on a tous un avis, alors les avis positifs, mais comment tu gères les avis négatifs? Parce que j'imagine que tu as rencontré des gens qui t'ont dit c'est sympa, mais. Ouais, mais j'aime pas trop, non, c'est pas trop mon style de musique. Non, du moment que c'est constructif, parce que la musique, ça peut ne pas être constructif non plus, c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas, c'est pas ton genre, etc. Donc, moi, ça me dérange pas, du moment, enfin voilà, si on me le dit gentiment, ou voilà, moi, je comprends. C'est comme les goûts, les couleurs, pour moi la musique c'est un peu ça. Mais quand tu as un avis constructif derrière, moi ça me dérange pas d'avoir un avis négatif, pas de soucis. Moi je trouve que ta voix en français est très jolie. En anglais, moi ça me fout les poils qui. Les poils séries. Ça me fout les poils. Je pense à deux sentiments différents, mais je veux dire ça me plaque au mur en fait, entre guillemets. C'est une image, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que quand tu chantes en anglais, je trouve qu'il y a une force, une aura. Alors en français c'est très joli, donc t'inquiète pas non plus. Mais en anglais, moi, ça, et c'est bien joué parce que ça fait deux sentiments différents en anglais et en français. Et quand tu chantes en anglais, là, c'est comme un coup de poing en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça qui est fort. C'est cool quand même, et je suis ravie que tu me le dises. J'essaie de résumer ce qu'a dit Jérémy, t'as une magnifique voix. Oui, voilà. Voilà. C'est gentil, c'est vraiment gentil. Eh bien, merci beaucoup, Jessie, d'avoir répondu à toutes nos questions en direct sur Upset Radio dans Quartier Libre. Tu pourras retrouver tout ce que tu as dit dès demain en podcast. Tu peux y aller maintenant, c'est bon, la sortie. Non, reste avec nous, bien entendu. Va-t'en si tu veux, c'est toi qui vois. Jérémy nous avait proposé un petit jeu ce soir. C'est toi l'animateur. Moi, je. Il nous avait proposé ça. Le but, c'est en fait, chacun devait me donner une chanson, une de ses chansons tristes de l'année, en off, voilà, par MP. Et donc après, le but, c'était que je la passe en direct et que les chroniqueurs vous retrouviez de qui vient la chanson. Et qu'est-ce que c'est? Du coup, s'il y a une musique qui passe. Oui. Mais on doit faire semblant, c'est... si c'est ta chanson, tu fais semblant. Si c'est ta chanson, tu fais. J'ai rien écouté. Qu'est-ce qui se passe là en fait? Là, on va passer la chanson d'un des chroniqueurs. Il faut que tu devines qui a choisi cette chanson. Et du coup, on est d'accord, Arthur, il n'y a que une chanson de toi. Tu joues pas? Oui, moi je joue. De toi, Jérémy, Ismaël, moi et Janison. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Okay. Yara. Ah, Yara aussi. Ah, Yara. Bah, Yara. Oui, bon, mais du coup, quand c'est notre musique, oui, on bluffe, on fait son. Tu bluffes? Oh, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il sait, les gars. C'est quoi, moi je réponds à je sais pas à tout. Jessie, tu peux aussi aider. Hein. Trouver, non, aussi elle peut trouver le titre. Elle peut trouver le titre. C'est moi qui est là-bas. C'est parti, on y va. Premier titre. Premier titre, vous entendrez peut-être mieux avec le casque, ça marchera mieux. Premier titre, les amis, c'est parti. Souffle saccadé, Yara. Voilà qui laisse deviner que tout se décide. Et c'est Christine and the Queen. Tout non. Jérémy. Ouais. Christine and the Queen. C'est clairement. C'est pas toi? Non, ça c'est le cover de la demoiselle. Ah, bah en fait, tu m'as pas envoyé tes sons. Bah si. C'est ça commence bien, hein. Ah oui, non, mais non, j'ai oublié. Voilà. Je pensais que c'était le c'est bien, son qui c'est m'avait bien envoyé. Christine and the Queen. Ouais, c'est ça, et c'est pas Yara, c'est Jérémy. Non, ouais, c'est Jérémy. Je pensais qu'il m'avait envoyé son son, mais en fait. Non, tu regardes pas, tu vas voir les titres. Je pensais qu'il m'avait envoyé son titre, mais en fait, non, il me l'a pas envoyé. Mais très, très beau cover. Hein. My station. My station. Très beau titre. Bah moi je vous propose qu'on passe à un autre titre, hein. Pas celui de Jérémy, c'est pas celui de Jérémy, arrivera plus tard, je vous rassure. Alors, titre suivant. Ah, Yara, ça c'est inachevé, ça. Ah, j'adore. C'est Yara, il y a c'est Arthur, ça. Ah, c'est Arthur, ouais, sa tête. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est Ismaël. Ah, bien joué. Ah, je kiffe. Ouais, alors j'ai choisi Inachevé de Casser Flauter parce qu'en fait c'était en rapport avec la sortie de leur film Comment c'est loin. Et à l'époque où je l'ai vu, ça m'avait fait beaucoup de bien parce que je me retrouvais beaucoup dans les persos qui étaient un peu perdus, qui savaient pas trop quoi foutre dans leur vie. Et voilà. Voilà. D'accord. Et je trouve ça très très beau en fait. Ce qu'il chante. Morte avant d'avoir démarré. Ah, c'est Orelsan. Ouais. Ouais. Grange. Avec Casser Flauter. J'adore. Allez, Casser Flauter. Casser Flauter. Inachevé. Et du coup, ça, dans le film Comment c'est loin, le moment où cette chanson apparaît à la fin, c'est très puissant. Je trouve ça très très fort. Je vous conseille en tout cas ce film. Très bien. Et bah, peut-être qu'on en parlera dans la chronique. Merci, Smaï. Il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Je trouve toujours moyen de parler d'un film. Non, non, ouais, j'avoue. Non. Titre suivant. Titre suivant. Titanic. C'est Yara. Ça, c'est Yara, ouais. C'est Titanic. Je vérifie parce qu'on m'a ça quand même. C'est Yara, ça. Obligé. Moi je vois Yara partout en vrai. Tu penses que c'est tout le temps elle? Non mais là par contre c'est sûr, si c'est pas elle, me dis pas c'est Janison. C'est pas Yara. C'est Janison. Non, c'est toi Arthur le beau. C'est pas Yara. Hein Arthur, c'est toi. C'est Tom. De nous faire ce trailer. Arthur, c'est toi en fait. Jessie, l'idée peut-être. Mais qui ça pourrait être dans l'équipe là? Parmi nous, je jure, c'est Arthur. C'est Tom. Il fait le bluffeur, moi je le connais. Ouais. Tous les coups, c'est Tom. T'es vraiment un salaud, je vous jure. Voilà, il est Arthur. Non, je dis c'est Tom. Ah, merci. C'est toi, donc c'était bien lui. Voilà. Ok. C'était bien moi. Bon, c'est alors. Elle est pas sortie cette année, cette chanson, ce que je. Non, elle est pas cette année. Alors pourquoi? Vous avez dit 2017, non? Ouais, mais c'est la seule que j'ai trouvée en fait. Alors, donc on dit chanson émouvante, Titanic. Bah oui, c'est ça, hein, c'est la base, quoi. C'est la une des seules que j'avais, hein, mais bon, tant pis. Titre suivant, celui-là, vous devriez trouver. Janison. Il reste que lui et moi, et c'est pas moi. C'est Tom. Enfoiré. Non, bien joué, c'était Janison. Bah oui. Interstellar. Ouais. Non, c'est pas Interstellar. Non, pardon. C'est un film, c'est un musique de film. Comme c'était 2017, je prends autre chose, mais comme on m'a dit 2007, j'ai pris ça. C'est quel film? Ah, bah ouais, faut deviner. Attends. Faut deviner. Harry Potter, là, les. Non, c'est un film français. Non, non. Ah bon? C'est un film anglais. C'est une blockbuster? Blockbuster? Non. Petit film? Ouais. Peut-être une idée, Jessie. Là-bas. Du tout, alors. Non, du tout. Aucune petite film 2017. C'est un animal. Un animal. René la taupe. Non. Là, un animal. Ouais. Beer. Non. Ah mais oui, mais j'ai envie de passer cette musique là, je suis con. Non, je l'ai pas. Ah, c'est dommage. Juste. Ouais non, c'est dommage. Je vois pas parce que. Dommage. Bon ouais, je vais vous dire. Bah, vas-y. C'est un peu dans le même style que Slumdog Millionaire. Ah Lyon. Lyon. Ouais. Ah bah oui, du coup, oui. Donc, si tu as mis le soundtrack de Lyon. Oui, c'est ça. Très très bien. Mince, mais c'est con. Maintenant, il y a une musique qui était parfaite et j'aurais dû plus te passer et j'ai pas fait. Moi, au début, je voulais mettre la liste de Schindler. Oui, c'est ce qu'il m'avait envoyé au début. J'ai dit Harry Potter, après, je vais dire qu'il y a 2017, on va rester sur Lion. Ouais. Titre suivant. Et là, il en reste 3. Tom! Pourquoi j'ai crié? Attends, pourquoi il y a encore des sons là? Pas parce qu'il y a, on a pas donné celui de Jérémy, on a pas donné le tien, on a pas donné celui de Yara. Bah, c'est Jérémy. Yara, on a donné. Ah non, c'est Jérémy. Non, j'ai reconnu, c'est Slimane. Ah, celle-là, c'est Slimane. C'est Jérémy. C'est Jérémy. Parce qu'il aime bien les trucs. Bah oui, c'est toi. Il aime bien les trucs du style Slimane, Amir, Kenji. Voilà, exactement. On se comprend, c'est bien. On le connaît, ce petit loup, avec ses caleçons babou. Ça fait deux saisons que je suis avec lui dans cette émission. Donc forcément, dans l'émission, je parle bien. Tu veux venir me voir. Je parle bien dans l'émission, Jérémy. En fait, je suis choqué parce qu'on écoute pratiquement les mêmes chansons. C'est vrai. Mais vraiment, je suis choqué. Pour être ensemble, ah non, je crois pas. Mais je suis choqué. Yara, si tu nous écoutes, n'écoute pas en fait. Si tu nous Alors, Yara, ton mec est bizarre. Voilà, je te dis, hors émission, il s'est passé des choses et tout. Mais non, il s'est rien passé, il s'est rien passé. Pose-toi des questions. On te dira rien, c'est rien passé. L'air est qui du coup maintenant? Et il reste, je ne dirais pas qu'il reste. Titre suivant. Tom. C'est pas très émouvant. Moi j'aurais dit ça aurait été Yara, mais bon. Alors je vais vous expliquer pourquoi je choisis cette chanson. Tu joues? On le sait. Ça fait 3 fois que tu le fais ta petite. Non. J'ai choisi cette chanson. Effectivement, ce n'est pas une chanson de cette année, mais pour moi c'est la chanson qui représente mon année. Parce que je trouve que j'ai concrétisé pas mal de choses cette année. Ça a été une très belle année pour moi au niveau artistique et professionnel. Et donc j'ai trouvé cette chanson très adaptée. Mais pourquoi tu racontes pas ça à ton psy T'es méchant. Je t'embrasse. J'ai trouvé cette chanson très adaptée pour un peu résumer mon année. Et parce que oui aussi, du coup... Jazz clap. Mes félicitations, hein, en fait. Hein. Yes. Merci. Moi, je suis super content pour lui. Ah ouais, moi aussi. Mais pourquoi? Voilà. Et maintenant, il reste un titre, un seul et unique. Mais il reste c'est Yara. Yara. Yara. Bah oui, c'est Yara. Yara. Et qu'est-ce que c'est que ce titre? Tu sais qu'en fait, j'ai jamais vu Yara, en fait. On a jamais fait de mission ensemble. Je m'en rends compte. Ah bon, très bien, Jamison. Il serait peut-être temps de te rendre compte, parce que c'est quand même la dernière ce c'est soir. C'est con parce qu'il soit parti, quoi. C'est ça, en plus, ça c'est... Tu l'as jamais vu. En fait, en photo sur la couverture de l'équipe. Non, en fait, le jour à la fac, la première fois où elle était venue, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de venir. Ok. C'est quand Yara on l'a eu comme invité. Rien contre toi, Yara. C'est quand on l'a eu comme invité. Oui, c'est ça. Je vois c'est pas du tout ce que fait, c'est. Je ne sais pas. Ibrahim Malouf. Ah. Je connais pas. Bah voilà, maintenant tu connais. Libanais. Ah oui. Ça date de quand cette musique? Ça date de quand? Il y a un petit terre de. Oui, non, mais si, j'en ai entendu parler, oui, j'aime beaucoup. Ah non, mais c'est horrible ça. Maintenant j'ai plein de chansons et plein de titres et plein d'artistes que j'aurais pu mettre, mais j'ai je pas. Je te jure, ouais, cette musique. T'as pas fou, osé mettre, c'est ça? Bah ouais, mais j'y ai pas pensé quoi. Ouais, mais moi aussi. Mais tu aurais pu y penser. Bon, on va faire présidentiel, allez. Bon, allez. Moi, ce que je vous propose, vraiment, là, c'est vraiment la der des der. La dernière pause musicale de la saison. Ouais. Là, vraiment, là, c'est vraiment la toute dernière. Yellow Claw avec Good Day feat DJ Snake, c'est tout de suite. C'est la dernière. Vraiment, celle-là, on peut la savourer parce que c'est vraiment la dernière de la saison de Quartier Libre. À tout de suite. Sing a song about those days. Quartier Libre, c'est vraiment la dernière émission de ce soir. On a des discussions. Heureusement, parce que là, ça part vraiment en cacahuète. On a des discussions. Oh, je crois qu'il faut pas trop qu'on en parle à l'antenne, en fait. Je pense qu'on en parlerait même jamais. On parlait si, donc de toi, Tom, puisque tu sais, nous t'avions fait il y a quelques temps un canular à l'antenne. Attends, tu veux que je te dise ce qu'ils m'ont fait ? Vas-y. Alors, du coup, j'ai été donc pour la quatrième fois qu'on dit, la 60e fois, j'interprète à la rentrée Mowgli dans le Livre de la Jungle. Et donc, c'est deux gigotos. J'ai reçu un message sur Facebook et tout. Pas sur Facebook, par message vocal. Oui, bonjour, on t'appelle. Voilà, on sera intéressé pour que tu viennes à la radio. C'était énergie. Que tu viennes à la radio pour parler un peu de ton avant, pour parler de tout ça. Ça nous intéresserait d'avoir le comédien, etc. Mais ils m'ont saucé de ouf. Ils m'ont dit donc rappelle-nous si ça t'intéresse au plus vite. Sauf que ces couillons m'ont appelé en masqué. Donc du coup j'étais là, mais comment les rappeler si c'est un numéro masqué? Donc impossible de rappeler. Donc ce que je fais, je prends mon téléphone, j'envoie un message à Énergie sur Facebook. Merde. J'envoie un message à Koé. Oui, j'ai bien reçu votre message, mais vous m'avez appelé en masqué, je peux pas vous rappeler. Oui, effectivement, ça m'intéresserait, je vous laisse mon numéro et tout. Enfin, je me suis saucé de ouf. J'ai vu qu'il me répondait pas. Le mois d'après, je renvoie un message, voilà, je renvoie. Une petite randonce, ouais. Et là, j'arrive à la radio et j'apprends que c'est deux couillons, tu vois, celui-là là et celui-là, qu'en fait c'est eux qui m'ont appelé, qui m'ont laissé un message vocal, ouais Tom et tout. Et là en fait j'ai pensé au message que j'ai envoyé à Énergie et tout, je me suis dit, l'affiche, ils ont dit mais ce mec est trisomique, on t'a rien envoyé, on veut pas toi, on te connaît pas, genre, et putain, est-ce que c'est nous emmerde, voilà. c'est surtout qu'en plus de ça je suis allé les voir deux jours après notre canular, hein, en plus de ça, parce que je les ai appelés machin etc, je leur ai dit si jamais il y a quelqu'un qui vous contacte c'est de notre part, vous inquiétez pas, et les mecs nous ont dit faudra faire gaffe quand même parce qu'on a déjà porté plainte pour moins que ça, hein. Et ça c'est vrai, ils ont porté plainte pour moins que ça, donc porté plainte contre qui, contre vous? Non, ils ont porté plainte contre d'autres personnes pour un canular moins gros que ce qu'on a fait. Voilà, votre canular à vous. Donc les gars, ils ont le droit de faire des canulars, mais les gens, ils ont pas le droit de leur en faire. Voilà, ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est marrant. Donc t'as vu comment ils sont abjects? Je vois ça, oui. C'est dégueulasse. Mais non, c'était... Je t'ai invité. Oui, pardon, excuse-moi. Je vais y aller. C'est le DM. Sachant qu'en plus de ça, Tom, si tu l'avais vraiment demandé, on aurait vraiment pu t'inviter sur Énergie après. Ouais, on aurait vraiment pu le faire. Pour finir, parce que là, la fin approche, il reste 4 petites minutes d'émission. Oh mon dieu! La dernière chronique de l'année, messieurs, dames, c'est Jérémy! Jérémy! La dernière chronique cinéma! Qui a fermé les rideaux d'émission! Alors, pour la petite anecdote, ça fait 5 semaines que je dois faire une chronique. Ouais. J'ai 5 films à présenter. Ouais. On va aller vite. Non, mais ça va, on va aller super vite. Un film par minute. Super vite. Le premier, The Wall, avec Aaron Taylor Johnson. Et John Cena. Très bon film. Et sympathique. John Cena, c'est un catcheur. Mais plutôt ennuyeux parce que j'ai déjà vu un film de guerre où c'est un huis clos. C'est un huis clos, mais en extérieur. Avec Aaron Taylor Johnson qui doit faire face à un sniper. C'est ça. On voit pas le sniper et au final, il y a un twist à la fin assez sympathique. Le film est sympa, mais en fait, il est bien chez toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, il est bien chez toi, pas au cinéma. C'est faux. Et il est sympatoche, mais voilà. Moi, j'étais un peu sur ma faim. Pas mémorable non plus. Deuxième film, Everything. Film romantique pour les adolescents. J'ai vu ça avec ma petite amie. On a passé un bon moment, mais au final, je me suis dit le film il est sympathique. Mais donc petite histoire super simple. Il y a un garçon, c'est le nouveau voisin. Il tombe amoureux de la fille. Mm-hmm. La fille est enfermée chez elle parce qu'elle a une maladie. Ah oui oui, j'en ai entendu parler. Oui. Voilà. C'est un peu comme le pitch est ridicule quand même. Non mais ils peuvent se communiquer qu'à travers messages et visuellement. Le twist est ridicule. Et tu l'as vu le... Non, mais on en a Il y a parlé. Un twist très intéressant qu'il faut voir. Non, le twist est plutôt original. Mais allez, bon, spoiler, c'est un attention. Film déjà vu et on est dans la vague de Warner avec les films teenagers, ouais. Avec ce fond très intéressant et très intelligent, mais la forme toujours too much et téléfilm américain. Ça fait un peu gênant. Mais l'image est belle en fait. Ouais. On passe un bon moment, mais c'est ça, quoi, le twist, ça manque un petit peu. Moi, je peux pas raconter. On le dira mais pas. Ça manque un petit peu de. Ils sont tous morts là. Vous avez tous entendu Jérémy et ton couple, ça sert à rien les filles de le harceler. Bien sûr. Troisième film, Les Ex, film français, Maurice Barthélémy avec Jean-Paul Rouve et puis d'autres acteurs, Arnaud Ducré, etc. Mmh. Film français, comédie sur Les Ex, bien sûr. C'est sympathique, mais je me suis un peu fait chier, j'avoue. Surtout, en fait, il y a plusieurs histoires. Il y en a une qui est tellement nulle qui plombe les autres. Ouais. Mais les acteurs sont bons. Donc, casting est bon. Et si on repasse un petit moment, je pense que c'est bien. Mais au final, je mets qu'une étoile parce que c'était un film plutôt bof-bof. D'accord. Ouais. Quatrième film, Creepy de Kurosawa. Film japonais très intéressant qui dure 2 heures et c'est ça le souci, ça dure 2 heures. C'est long. Et j'ai passé un moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais quand je vois la fin, ça va être mon plus bon jour de ma vie. T'es content d'arriver à la fin. Le film, le pire, c'est que j'ai passé un bon moment. Ouais, mais quand je me suis dit, mais ça dure 2 heures et je me suis ennuyé pendant 20 minutes, c'est l'erreur qui m'a gêné en fait. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, une petite anecdote sur Kurosawa, le vivant, parce qu'il y a Kurosawa, oui, le mort, évidemment, qui est plus connu, bien sûr. Ouais. J'aime pas ce réalisateur. J'ai vu 2 films, Real et un autre vers l'autre rive ou un truc comme ça. Ouais. Et j'aime pas son style. Et là, je vois son film. Déjà, quand j'arrive dans la salle et que je vois son nom sur l'écran, je fais oh merde, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Et en fait, j'ai passé un beau moment. Donc en fait, il m'a réconcilié avec son cinéma. Et je le conseille, ce film, parce qu'il est quand même plutôt intéressant. Film très thriller avec un serial killer qui profite des gens. Oui. Alors je raconte, j'ai un message devant moi qui ne colle pas nécessairement de le mettre. Qui dit quoi, il dit quoi ce message? Prends ton temps. C'était pas censé le lire. Donc ce film là il est intéressant, mais voilà quoi, on peut passer. En fait, les 4 films que je viens de présenter, c'est des 1 étoile, c'est-à-dire que c'est des films qui peuvent être vus mais qui ne m'intéressent pas au final. Quand tu vois quand tu arrives vers la fin, tu fais bon bah je vais pas le revoir et je le conseille pas. C'est des films qui passent le soir sur TF1. C'est des films pour moi qui n'ont pas un intérêt. Tu peux zapper en fait. Ça sera à la télé, tu zappes après. Non, je zappe jamais moi, mais non mais je te jure, je suis un petit peu malade. Et non, pour les films, je veux dire. Et le 5e film, qui est un bon film, 3 étoiles, et qui m'a vraiment plu, c'est un film qui s'appelle Chaos, avec Laurent Lafitte, film français. Et c'est un film un peu de science-fiction, entre guillemets. Ah oui, j'ai entendu parler. Où c'est un pro. C'est réalisé par le gars qui a créé Les Revenants. Tout à fait. Et donc, l'histoire rapide, c'est un Laurent Lafitte qui joue un odieux personnage de patron de chaîne télé. Et bien sûr, il a un accident, et puis il se met à la place en fait du Monsieur Météo. Donc, il est plus le patron, il est Monsieur Météo, donc il est un sbire, entre guillemets. Et de la chaîne, et il veut reconstruire son image, il veut retrouver son poste idéal. Et en fait, personne ne le reconnaît comme il est, en fait. D'accord, donc c'est un truc un petit peu déjà vu avec. En fait, c'est un mélange de plusieurs films. À un moment donné, il y a un passage Fight Club où les gens se battent à main nue. Je me suis dit, mais c'est du copier-coller avec Fight Club, je comprends pas le délire. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu quand même, c'est le jeu des acteurs, le scénario, les dialogues, peut-être un petit peu long aussi. Et une fin quand même très sympathique. Donc c'est bon que ça reprend un peu Birdman aussi, quand même, le fait que le mec il va reprendre un peu du poil de la bête. Non, parce que Birdman, il n'y a pas un effet où tu changes de vie. Là, il change de vie en fait, le monsieur. D'accord, okay. Donc, mais film très intéressant, donc j'ai mis 3 étoiles et je vous le conseille vraiment, KO, de voir le film parce qu'il est vraiment super intéressant. Okay. Bonus, moi j'ai un film moins 3 étoiles, Transformers The Last Night. Voilà, n'allez pas le voir. Okay, dis-moi, d'ailleurs, okay, oui. En parlant de KO, Jérémy m'a envoyé la bande-annonce qu'on va écouter tout de suite. Avec Pio Marmaille, j'adore cet acteur. On va pas écouter entièrement, mais on va écouter et Jérémy, tu la mettras sur la page Facebook de l'émission. Maintenant. Vous avez rendez-vous avec les programmes dans 5 minutes. Ça a donné quoi les audiences? J'aurais besoin de vous parler. Demandez pas les choses. Obtenez-les. La dictature par la peur, ça marche plus. Si vous pensez que c'est mieux ailleurs, personne ne vous retient. Je vous aime bien, Antoine. J'aimerais pas que vous explosiez en plein vol. C'est pas un roman, ça? Plus personne s'intéresse à toi, alors tu déverses toute ta haine sur moi. Est-ce que tu crois que t'as le profil d'un héros? C'est minable ce que tu fais. Quand les gens sont poussés à bout, faut pas s'étonner qu'ils pètent les plombs. T'es un survivant, Antoine. Ta crise cardiaque doit te permettre de réaliser ce qui est vraiment important. J'ai pas fait de crise cardiaque. On m'a tiré dessus. Pourquoi vous voulez escalader la grille du domicile de Solange Rosecrave? Parce que c'est chez moi. Vous êtes qui? Et vous? Non, chez vous, c'est 73 Boulevard Pasteur. Personne ne vous a tiré dessus. Et ça, c'est quoi? Je peux vous aider? Antoine. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Boris! Je comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi est-ce que tout a changé? Il ne comprend pas ce qui arrive, comme nous. Voilà, on comprend pas c'est le film. Ça, nous quand non plus, on comprend pas. Non, mais quand j'y repense, le film, la force du film, c'est le casting. Et en plus, il y a un acteur que j'adore, mais vraiment du fond du cœur, qui s'appelle Pio Marmaille, qui est un acteur français pas connu, hein, vraiment pas très populaire, mais qui est exceptionnel. Je pense que dans 5-10 ans, il va être le prochain du jardin ou le prochain grand acteur du cinéma français. Et oui, non, mais même il est meilleur que Pierre Niney. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il y a un peu de science-fiction, un peu de fantastique, comme du Stephen King. Ah, ça, c'est fantastique. Avec du fantastique, comme un peu du Stephen King, en fait. Ça aurait pu être un film de Stephen King. Et le petit souci, à un moment donné, quand vous allez voir le film, si vous le voyez, vous allez vous dire, oui, mais je sais ce qui m'attend à la fin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la fin n'est n'est pas moraliste. C'est pas une fin en mode il faut être comme ça pour être bien ou etc etc. Et vraiment non mais en plus c'est un peu ça. Et c'est plus compliqué que ah le personnage est mort. Non mais c'est plus compliqué que ça et c'est plus intéressant. Mais vraiment c'est réussi. Et okay. Quand un film français réussit, c'est tellement rare, donc il faut le dire. Deux petites minutes là avant la fin pour continuer sur la chronique ciné. Jérémy, quel est ton meilleur film avec Jean-Paul Rouve? Alors je trouve que c'est un excellent acteur, je dirais La Môme. La Môme? Ouais. Moi ce serait Nos années bonheur. Ah moi aussi. Qu'est-ce que j'aime bien ce film. Très honnêtement, là, avec les gosses et tout, je crois que c'est la meilleure scène. Il a été dans Dalida là, cette année, il était pas mal le nom. Je savais pas. Jessie, peut-être pour un dernier mot sur l'antenne. Dis-nous, est-ce que tu as un film préféré avec Jean-Paul Rouve? Oula, je ne regarde Madagascar, tu peux dire. Je regarde très peu de films, j'avoue. Je c'est regarde très peu de films, donc non, j'en ai pas là. Ou quel est ton film préféré de l'année ou récemment oui, aussi, ou que oui. tu as vu ou... Récemment, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu récemment Wonder Woman. Alors Et ben, ouais, j'ai adoré. Personnellement, je m'attendais pas à aimer. Je m'attendais à détester personnellement quand je suis entrée dans la salle. Et au final, parce que toi, tu vas voir un film, tu dis ah, je vais détester, c'est super, j'y vais. Non, parce que non, justement, je veux être surprise. Elle est ouverte d'esprit. Voilà, je suis ouverte d'esprit. Tout à fait. Au nom japonais d'un réalisateur. Donc voilà, non, c'était pour moi, ça a été un très bon film. Ça m'a même donné des frissons à un moment donné. Oh, Wonder Woman t'a donné des frissons. Tout à fait, quand elle monte comme ça. Elle monte qui? C'est pas possible ça. Bon, alors moi je vais parler de mon film aussi. Vas-y, parle de ton film. Vas-y, fini. Non, mais c'est bon, j'ai fini. Ah ouais, ça y est. Ouais, c'est bon. Tom alors. J'ai caché ça, son passage, pardon. Ouais, franchement. Tom. Oh, Tom. Non, moi je regarde pas de. Pierre des Caraïbes. Attends, comment il s'appelle Jean-Paul Rouve. Pio Marmaille. Je connais pas. Jean-Paul Rouve. Si, bah Dalida, je l'avais vu. Ouais, mais tu l'avais pas vu Jean-Paul Rouve dedans? Je vois pas qui c'est. Jean-Paul Rouve, c'est lui. Si, pas dans. Le premier producteur dans son film. Je vois pas. De Dalida. Il joue à Gérard de Madagascar. Ah ouais, ok. Mais le dernier film que j'ai vu, c'était c'est Get Out. Ah oui, j'ai pas du tout Get Out. T'as pas aimé mon accent, Get Out. T'as pas aimé ça? C'est quoi? C'est bête parce que. J'ai kiffé. Filmiquement parlant, c'est intéressant. Surtout de le revoir. C'est très intéressant de le revoir. J'ai kiffé. Ça, c'est. D'accord. Il y a Get Out, il y a une myriade de choses qu'on comprend au deuxième visionnage. C'est un peu comme le sixième sens. Mais. Voire plus, hein, franchement, honnêtement, il y a certains événements, certains plans, il y a certaines choses au premier visionnage, tu te dis, mais pourquoi il reste autant de temps sur ça, ou pourquoi il s'est passé ça? Ça a vachement plus de chance quand tu le revois avec tout ce qu'il y a à savoir. Comment on appelle les plans? Moi j'adore ces plans-là, ça fout des poils. Ça fout des poils. Tu sais où l'acteur court? Ouais. Et la caméra court avec, et donc il y a un peu des mouvements. Steadicam. Mais c'est magique ces plans. Mm. J'adore. Il y en a, ouais. Attends, voilà. Janison, pour finir. Moi j'ai pas vu beaucoup de ses films, et j'ai bien aimé son apparition dans H. Ah, voilà. Bon, d'accord. Ah, bah si on parle d'apparition dans Astérix et Obélix, il est très beau là-dedans aussi. Il est pas mal aussi. Vous savez qui s'est fait cambrioler? De quoi? Ah non, Jean-Paul Rouve. Ah, bah tranquille. Oh le pauvre. Ah, grand film Les Tuches 1 et 2. C'est lui que tu dis qu'il est pas connu? Si, il est connu. Si, si, non, c'est Pio Marmaille. Et info exclue, Les Tuches 3, ça s'appellera Les Tuches 3, Liberté, Égalité, Tucherie. C'est vrai? Ouais. Okay. Merci pour ça. Il y a eu des castings, j'ai vu là pour faire la configuration, la figuration. De quoi? Ah, toi, t'as failli faire la figure? Non, non, moi j'étais pas intéressé, mais. Toi dans les tuches 3! Non, j'étais pas intéressé, après, mais je me dis, j'ai vu plein d'annonces. Une vue sur ta carrière assez large. Assez ouverte, assez large. Ouais. Moi, je suis du moment qu'il y a de la thune. Ouais, c'est vrai. Bien, merci beaucoup, Jessie, d'être venue dans notre émission ce soir. Merci de m'avoir invité. Merci! À Jérémy pour sa chronique. Voilà, elle était un peu bof ma chronique, mais parce qu'il y avait 5 films et c'était le retard de 3 émissions quand même. Donc j'ai essayé de faire rapide. Et aussi merci à toute mon équipe pour cette magnifique saison, à tous ceux qui ont été là, tous ceux qui nous ont quittés, tous ceux qui sont revenus pour repartir ensuite. Je pense peut-être à Jélissol, j'en pense à d'autres. Donc on pense aussi à Sophia. On pense aussi à Sophia. Sophia lui fait un gros bison et on pense à elle. Voilà, on pense beaucoup à toi Sophia. Pense à toi. En espérant que tu nous reviennes très très vite. Pense à toi Sophia. Dans l'émission et surtout l'année prochaine, on sera là à partir de la mi-septembre, je vous le promets. Ouais. On reprend l'émission en direct sur Upset Radio le mercredi soir de 18h à 20h. En quel son, encore une fois. Ça, on verra ça. Alors, il y avait, je sais que l'année d'avant c'était 1h, là cette année c'était 2h, l'année prochaine on peut faire de 18 à 22h. Oh, putain. Si on peut conquérir, on va plus supporter. Allez, moi je vous dis à l'année prochaine, passez de bonnes vacances, c'est Arthur Boulot pour la dernière de 4 minutes. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Profitez bien.